J'ai complètement oublié que j'ai reçu ma blonde. Non, ben, c'est-tu ma blonde? En tout cas, j'avais reçu par la poste de Philadelphia Experiment, puis je l'ai même pas encore écouté. T'sais, j'ai juste mis le film dans mes DVD, mais je voulais le voir. Le film de mon enfance. Ouais. Ton enfance résume à Michael de Paris, je pense. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien! It's all for you! We'll tear your soul apart! They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Bonsoir et bienvenue au Bras de fer des films 2.0. Non, c'est pas vrai. Horreur Gamer, l'épisode 108. Si j'ai commencé comme ça, c'est parce que ce soir, c'est encore moi, Jean-François Tremblay, en remplacement de Sébastien, qui est pas là, toujours pas là. Il nous a flushé, je pense. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Ah, peut-être, mais peut-être pas. On va enquêter là-dessus. Et, ben, comme vous l'avez entendu, le grand retour après quelques épisodes manquants. Il était absent, je veux dire. Steven Lefrançois, salut Steven! C'est pas mal, tu te rappelles de mon nom, mais merci Jean-François. C'est parce effectivement. Que t'es écrit sur Skype. Ouais, ah, merci Skype. oui, non, en effet, ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode de Horror Gamer. Je me sens pratiquement rouillé, mais fallait bien que je revienne un jour, voyons donc. Ben oui. Puis tant qu'à revenir autant en grand avec une shameless à la Steven. Ben oui, on fait des épisodes shameless, on recommence ça, un autre tour d'épisodes shameless. Pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu nos épisodes shameless, ben la shameless, c'est la liste de la honte, c'est les films qu'on a honte, en guillemets, de ne pas avoir, en guillemets, qu'on a honte de ne pas avoir vu, bon. Et que, c'est ça, qui sont souvent des conseillers des classiques ou des films cultes ou des films très appréciés du public, du cinéma d'horreur et tout ça. Fait que... C'est touché, hein, ça. Oui. Excuse-moi de te couper, mais c'est vraiment touché parce que, tu sais, je fouillais dans ma liste puis je voulais vraiment trouver des trucs vraiment honteux. Mais tu sais, c'est de plus en plus difficile. Là. Les plus gros classiques, globalement, je les ai vus. Quoique c'est encore d'autres, tu sais, avec un de ce soir. Mais tu sais, je fouillais puis il y a des films que je me disais, OK, je mets ça dans ma liste de ça pourrait être un bon épisode de Chemnitz avec celui-là. Mais j'étais comme, est-ce que c'est vraiment un film qui pourrait être dans une liste de la honte, tu sais, c'est-tu tant classique que ça? Pour moi, dans mes goûts à moi, j'ai l'impression que c'est un classique que je mange, mais finalement, tu sais, je regarde sur le net, pas si bien coté que ça, les gens en parlent pas de temps, ou il est pas forcément dans des top 100 des meilleurs films de tous les temps d'horreur, fait que je suis comme, c'est borderline des fois, mais on dirait qu'à ce soir, ça me tentait vraiment d'y aller avec deux gros films qui sont vraiment, la plupart du temps, dans les tops des gens, qui sont vraiment appréciés. Ben, je pense que t'es bien tombé, puis en plus, j'ai remarqué beaucoup de parallèles entre tes deux films, fait que ça va être... on va pouvoir comparer, il y a beaucoup quand même de choses qui se ressemblent. C'est un gros hasard, et j'ai été vraiment agréablement surpris par ça, moi aussi, j'étais comme, waouh, ça pourrait quasiment faire une thématique avec cet épisode-là ouais, au lieu de la chaîne. Je pensais que c'était réfléchi, j'étais pas sûr, je voulais te le demander. Non, vraiment pas. Puis ben, on va faire des segments spoilers, parce que dans les deux films, il y a quand même des révélations importantes qu'il faut pas dévoiler, parce que, pour les personnes qui les ont pas vues, parce que Ça serait dole. Ben, ça gâche la surprise. Oui, puis je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis justement, à la fin des Diaboliques, il y a un petit écriteau qui dit de ne pas dévoiler. Je lisais quelque part sur Internet que c'était une des premières fois que ça a été fait au cinéma, un petit panneau qui disait dévoilez pas la fin du film, s'il vous plaît, à vos amis, vous allez gâcher le film. T'sais. Ça l'a pas mal inspiré Hitchcock pour son Psycho hein, par la suite. Puis, parce qu'on va sans doute en parler un peu plus, mais qu'on soit dans les Diaboliques, justement. Mais je pense que Hitchcock a beaucoup été influencé par celui-là. Oui. On n'a même pas vraiment nommé des films, dans le fond. C'est Pit and the Pendulum de Roger Corman de 1961 avec Vincent Price. Puis on a Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, 1955, je pense. Oui. Et avec Simone Signoret. Et donc, en gros, on avait-tu des trucs à dire? Je pense que non. D'habitude, c'est à la fin qu'on dévoile tous nos remerciements. Fait que, non, c'est ça. Mais y'a-tu des affaires que t'as vues, que des épisodes de télé ou des films, ou peu importe, dont tu voulais parler? Oh my God, ça donne que c'est des films que j'ai pas le droit de parler vu qu'on fait des épisodes. Fait que, tu sais, exemple, j'ai été voir Real Player One, Ready Player One. Fait que, tu sais, je veux pas trop en mentionner parce que connaissant Marc-Antoine, il va écouter l'épisode qu'on fait là, puis il se trouverait sa place qu'il connaisse mon opinion. Sinon, est-ce que j'ai vu de quoi? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas s'il y a quelque chose peut-être que tu voudrais parler, puis peut-être que je pourrais me rappeler en attendant. Là. Non, ben il y a deux semaines, je parlais d'un roman que j'étais en train de lire. Là, j'ai terminé, puis ça vaut vraiment la peine. Là. C'est la suite, c'est le deuxième livre d'une trilogie. La trilogie s'appelle The King Killer Chronicle de Patrick Rothfuss, puis le deuxième est tout aussi bon, sinon meilleur que le premier, selon moi. Puis j'ai très hâte de voir quand il va publier le troisième. Puis ça va être à la télé cette année ou l'année prochaine. C'est Sam Raimi qui s'occupe de ça avec... le créateur de la comédie musicale Hamilton, Lin-Manuel Miranda, fait que ça va être quelque chose. Tu viens de mentionner Sam Raimi, puis là j'arrive avec une vieille nouvelle, là, mais j'ai vu ça passer dernièrement, avec un peu de retard, mais l'idée de refaire un reboot, remake de Grudge. Oui, oui. Je vois très mal l'intérêt, en fait, là, je trouve ça vraiment inutile. Je sais pas pourquoi j'amène ça, j'ai rien à dire à part que je trouve ça vraiment inutile, là, qu'on est saturé de cette période-là. Puis quand je suis allé voir, Ready Player One, justement, il y avait la bande-annonce de Slenderman qui jouait juste avant, puis ça me rappelait cette époque-là, puis j'étais comme, mon Dieu, on peut pas revenir là-dedans, tu sais, le public est plus là. Puis tu sais, t'entendais les gens souffrir devant cette bande-annonce-là qui est terriblement mauvaise et non vendeuse du film, là. J'ai même pas envie de payer pour aller voir au cinéma. Moi, tes critiques me disent le contraire, mais... J'ai un petit peu peur, j'ai pas envie qu'on en revienne là-dedans. Là. On peut-tu continuer dans une autre direction que celle-là? Là? Je pense que c'est une période morte qui vaut pas forcément la peine d'être amenée. Ben, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais si, mettons, souvent j'aime ça faire un peu l'avocat du diable, tu dis le public est plus là, mais c'est qui, pour les producteurs, pour les distributeurs, c'est qui le public des films d'horreur? C'est le public de 15-20 ans, mettons. Puis ces jeunes-là étaient pas au cinéma. V'là 12, 13, 14, 15 ans, t'sais, durant cette période de films-là. Fait que, tu sais, là, faut leur faire des films à eux autres, faut leur faire peut-être vivre des affaires qu'ils n'ont pas vécues, faut leur ramener des trucs qu'ils n'ont pas vus, je sais pas, tu sais. Ben, je sais pas, tu sais, dans la fin des années 90, moi, quand j'allais au Vidéotron, je louais pas juste des nouveautés. Tu sais, j'allais dans la section horreur, puis je louais les vieux films qui étaient les vieux de cette époque-là. Fait que les films des années 80. Fait que j'imagine que les adolescents d'aujourd'hui, quand ils vont aux vidéos et qu'ils louent des vieux films, c'est justement des The Grudge, puis des films post-années 2000 qu'ils louent. Fait qu'il y a quand même des bonnes chances qu'ils aient vu ces films-là. Là. Oh, et puis tu sais, ces films-là, en plus, ils look encore. Je veux dire, c'est pas comme si t'allais louer un vieux film des années 70, que l'image est granuleuse ou peu importe. Là, c'est comme, ouais, non, c'est ça. Des films des années 2000, c'est en HD, c'est beau, tu sais, c'est encore, ça look encore, tu sais. Ben, même les vieux films maintenant, tu sais. Oh, je dis pas que les Vidéotron ont une collection cuitérienne, là, mais je veux dire. Tu peux voir des films d'une autre époque qui on dirait que ça a été tourné aujourd'hui, tellement que les transferts sont hallucinants, là, de nos jours. Mais, non, j'en pense pas grand-chose non plus. Tu sais, au pire, on laissera la chance au coureur, puis on le verra. Si c'est vraiment merveilleux, on verra. Mais, tu sais, ils ont fait un reboot, je pense, une manière de Cabin Fever, puis c'était pas super aussi. Oui, ils font des reboots de films qui sont sortis le 12, 13, 14 ans. Tu sais, c'est ridicule, tu sais. Ben, tu sais, c'est quoi ton intérêt en tant que tel? C'est-tu parce que tu veux dire ou apporter un sujet différent ou juste vraiment faire un copier-coller pour le but de faire un copier-coller? Parce que Cabin Fever, c'était ça. C'était un gros copier-coller avec deux, trois petits changements par-ci, par-là. Fait que c'était... Ça sert à quoi, tu sais? Ça sert à rien, là. Je veux dire, on a juste perdu le crunchy de l'humour noir d'Eli Roth pour se retrouver avec un produit qui se prend tellement au sérieux avec des personnages imbéciles que, ben, je sais pas, là, ça a pas le même vibe pis c'est pas très bon. C'est ridicule. Puis avec quoi, pendant ce temps-là, il y a tellement de scénaristes, j'imagine, qui écrivent des affaires originales, puis qui voudraient se faire financer ou faire des. Tu sais, qui voudraient. Que le scénario devienne des films. C'est... Ouais, c'est plate. Tu sais, t'as exemple, t'as des films comme The Endless, le troisième film des réalisateurs de Resolution, puis Spring. Ils sortent en fin de semaine, je pense, là. Dans quelques salles où. Aux États-Unis, je ne sais pas si au Canada on va avoir une chance. Je pense qu'à Ottawa, globalement, avec le Mayfair, on peut l'avoir. Ben, je pense que j'ai vu des annonces de cinéma de Toronto. Peut-être que je me trompe. Mais tu sais, ça, c'est un autre exemple de ces plates que c'est des films tellement restreints, des films où c'est là qu'on voit des petites pépites, ou que lorsqu'il y a, une espèce de publicité, comme là, le film est 100% sur Rotten, puis là, il circule un peu partout, puis les gens sont comme « What the fuck, c'est quoi ce film-là? » Fait que ça serait peut-être bon d'essayer de les faire plus connaître. Puis ça, on dirait que c'est nous autres, aux fans de l'horreur, à tenter de donner un certain regard aux gens sur les petites productions de même qui passent inaperçues. Là. On dirait que c'est nous qui doivent faire la pub alors qu'on n'est pas payé pour ça. Ouais, parce qu'oublie ça, le grand public ne connaît pas pantoute Resolution puis Spring. Non. Là, ils savent pas c'est qui ces réalisateurs-là. T'sais. Mais bon, des fois, c'est le genre de réalisateur qui se retrouve à la tête d'une grosse production, puis ensuite les gens retournent voir les films. T'sais, exemple, je sais que tu n'es pas forcément le plus gros fan de What We Do in the Shadow, mais t'sais, le réalisateur qui a tourné le dernier Thor, peut-être que justement ça va donner le goût aux gens d'aller voir ses premiers films, puis là, ils vont découvrir What We Do in the Shadow, puis triper, mettons. Là. Fait que ça, au moins, c'est un peu l'avantage dans tout ça. Ouais. Je sais pas si ça a fait ça pour, mettons, le réalisateur de Godzilla ou Garrett. Gareth Edwards, mais je sais pas, les critiques ont tellement été mitigées que j'imagine ceux qui ont pas aimé Godzilla vont juste encore moins aller voir son premier film. Ouais, qui se veut un film de monstre aussi alors que ça n'en est pas un. Fait que les gens vont sortir deux fois plus en colère. Là. C'est pas un film d'amour, je veux, c'était une bébite qui détruit la planète. Pacific Rim 2 est là au cinéma si vous voulez des bébites qui détruisent la planète. Lequel? Pacific Rim 2. Ouais. Je veux dire, c'est le genre de film qui ment pas sa marchandise. Tu veux aller voir ça pour voir des robots et des monstres se taper pendant une heure et demie, c'est pas mal ça. Ça n'a rien à voir avec Guillermo, ça? Non, il est juste producteur, je pense, celui-là. Okay. Ça paraît un peu dans la vibe quand tu vois le trailer, mais en même temps, ça a l'air d'être le genre de suite qui va dans la surenchère que je me dis, hey, ça a l'air le fun. Fait que moi, j'étais quand même motivé à aller le voir, là. Non, sinon, moi, j'avais rien d'autre. J'essaie de penser à d'autres nouvelles que j'ai vu passer, mais rien qui me vient à l'esprit. Là. Moi non plus. Fait que, au lieu de tourner en rond, je pense qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Oui. Fait que Madame qui crie. We heard a scream from below. The most hideous, blood-chilling scream I have ever heard in my life. Eh bien, on commence avec The Pit in the Pendulum. En français, La Chambre des Tortures, réalisé par Roger Corman, mettant en vedette Vincent Price, John Keir et Barbara Steele. C'est un film de 1961 et c'est une adaptation d'un livre de Edgar Allan Poe. Le film se déroule en Espagne au 16e siècle. On va suivre le personnage de Francis Bernard qui va se rendre au château de Nicolas Medina, qui est le mari de sa sœur Elisabeth. Elisabeth qui vient tout juste de décéder récemment et c'est son frère Francis qui l'a appris. Sans plus attendre, il a décidé de se rendre au château pour aller se renseigner sur le fameux décès. Mais c'est alors que Nicolas va sembler un peu étrange. Il va lui dire des causes du décès qui semblent un peu tirées par les cheveux, qui seraient reliées à un problème sanguin. C'est alors que Francis va décider de passer quelques jours au château, le temps de savoir un peu la vérité de qu'est-ce qui est arrivé à sa sœur. Va s'en suivre un mystérieux mystère dans une ambiance gothique avec des révélations choquantes. Ouh! Eh bien, j'ai aimé le petit commentaire de Marc-Antoine qui disait « Ah, grâce à Horror Gamer, Steven peut finalement visionner des films des années 60 et 50. » Semi-vrai, semi-faux, dans le sens que j'ai vu beaucoup de classiques, comme j'en ai manqué plusieurs, et je suis quand même assez familier avec les films de Vincent Price. J'adore Vincent Price. Dans mes favoris, Theater of Blood, ou évidemment un de ses plus grands classiques, L'abominable Dr. Fibb. Et The Pit in the Pendulum, c'est un que j'avais vraiment envie de voir depuis longtemps. J'avais le coffret de Scream Factory, mais ça n'a juste jamais donné. Fait que les Shameless, ça sert à ça. Je me dis, je vais sortir mon coffret puis l'écouter. J'étais surpris d'apprendre que c'était Roger Corman qui l'avait fait. J'ai tout le temps perçu Roger Corman comme un producteur puis quelqu'un qui était derrière le marketing puis derrière les productions plus que derrière la caméra. Fait qu'on dirait que je connais moins l'homme derrière la caméra et j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était vraiment un réalisateur compétent. Et The Pit in the Pendulum, même si c'est pas dans mon top 5 des meilleurs Vincent Price, j'ai vraiment adoré. J'aime les décors et l'atmosphère très gothique de cette époque-là qu'on avait beaucoup dans les productions, surtout les films de Hammer, mais les productions de Samuel Z. Harkoff, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même une peaufination dans tout ça. J'aime les costumes, puis évidemment, le casting en tant que tel avec Vincent Price, tu te trompes pas. Il livre tout le temps des performances mémorables. Et c'est le genre d'intrigue qui paraît simpliste au départ, tu sais, au moment où le personnage de Francis arrive au château. Déjà, partant, tu as l'impression que Vincent Price est déjà suspect, fait t'oses penser que c'est lui le responsable, mais je trouve que le scénario t'amène plusieurs pistes pour te dérouter. Fait qu'à chaque moment, j'étais certain de savoir aussi que ça s'en allait. Ben, le film avait un autre petit élément qui venait me bousculer mes hypothèses. Et je trouve que ça arrive quand même à te garder en haleine tout le long avec une bonne atmosphère. J'aime beaucoup quand Francis arrive au château, puis là, t'as la brume avec les vagues sur le bord. Je trouve que ça apporte beaucoup. J'ai beaucoup aimé la performance des autres acteurs également. J'aimais bien le personnage de Francis, justement, joué par John Keir, qui est comme... C'est pas le genre de gars que tu peux arriver à duper. Là. Il te croit sur rien, pratiquement. Il est tout le temps à l'air suspect. Puis à chaque fois que tu vas dire de quoi, il va analyser ça profondément. Il va dire « Ouais, mais il me semble que ça fait pas de sens ce que tu es en train de me dire. Là, il faut que j'aimais ça. » D'habituellement, des fois, dans ce genre de production-là, on a un personnage principal un peu imbécile qui se fait berner facilement par les autres, tandis que lui, il prend tout ça bien à cœur et il essaie de garder un soupçon un peu sur tout. Et évidemment, on peut pas vraiment élaborer plus que ça, parce qu'au fur et à mesure que le film avance, il y a un certain twist qui arrive et le film prend vraiment une tournure assez différente qui, moi, m'a vraiment plu. J'ai beaucoup apprécié la fin. Je peux pas comparer avec la petite nouvelle de Edgar Allan Poe, je l'ai pas lu, je sais pas si c'est fidèle ou quoi que ce soit. Je sais aussi qu'il y avait eu un remake des années 90 de Full Moon avec Lance Erickson, si je me trompe pas. C'est un que j'ai pas vu, qui est réalisé aussi par Stuart Gordon. Mais pour moi, c'est ma première version que j'ai vue de Pit in the Pendulum. Et j'ai quand même beaucoup apprécié. Je trouve que c'est... Je pourrais pas te clarifier de chef-d'œuvre. Comme je dis, je trouve qu'il y a d'autres œuvres de Vincent Price qui sont vraiment supérieures. Mais pour ceux et celles qui ont envie d'une bonne histoire mystérieuse à la vibe gothique avec un Vincent Price au sommet, comme d'habitude, je crois que celui-là risque de vous satisfaire grandement. Là. Good, good. Moi, de ce que je sais, c'est pas une adaptation... T'sais, le bout de Pin in the Pendulum de Poe, là, de Garden Poe, c'est vraiment juste la fin du film. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai pas lu non plus la petite nouvelle. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, le reste, c'est tout inventé. Puis c'est... C'est quoi son nom déjà? Richard Matheson, qui a écrit le scénario, qui avait écrit I Am Legend, l'incroyable... comment ça s'appelle? Et, L'homme qui rétrécit, il a écrit toutes sortes d'affaires. Parce que Richard Matheson, c'est un auteur très prolifique. Ben, c'était un habitué, je pense, des productions justement de Samuel Zadarkov. Hein, c'est possible, chaque fois, oui. J'ai souvent vu son nom au générique. Fait que non, c'est un scénario, puis tu sais, j'ai lu qu'il voulait se rapprocher un peu de l'écriture de Poe, puis d'écrire des scénarios qui ressemblaient un peu à ce que... écrire des dialogues, je veux dire, qui ressemblaient un peu à ce que Poe aurait pu écrire. Moi, je l'ai trouvé plutôt ennuyeux, honnêtement. Ouais. Oui, c'est beau, c'est super beau visuellement, tu sais, les décors, tout ça, là, tu vois qu'il y a du budget. Pour du Roger Corman, il y a du budget, parce qu'il y a... T'as deux personnalité Roger Corman, puis n'importe qui a vu des documentaires sur lui, ben tu sais que ce gars-là faisait soit des films très très cheap en trois jours, ou des films plus... c'est ça, il se ramassait genre beaucoup de budget, faisait son film, puis s'il restait du temps à la fin, puis il se ramassait tout le temps pour qu'il ait du temps, mais il faisait un autre film dans les mêmes décors, t'sais, en trois jours, genre. Mais la différence que je trouve avec celui-là, c'est que des films d'époque de ce genre-là, je crois que c'est plus facile monétairement à créer et à faire qu'un film de science-fiction qui tente d'être un rip-off de Star Wars, puis t'as pas de budget. Faut t'essayer de faire des. On est rendu là, c'était plus vraiment lui qui réalisait, c'était plus producteur, là, tu sais, Roger Corman. Ouais, non, c'est ça. Début des années 60, il faisait ses gros films à gros budget, puis après ça, il se ramassait qu'un Little Shop of Horrors qui faisait en trois jours des mêmes décors que l'autre film d'avant. T'sais. Ouais, ouais. Ça, je sais pas s'il a fait un film des mêmes décors que Pit in the Pendulum, mais ça se peut très bien. Là, j'ai pas checké, mais. Mais. Je sais pas. Moi, je me suis pas accroché au personnage tant que ça. Tu dis que t'as aimé John Keir. Moi, dès le départ, je l'ai pas aimé. Non. De un, c'est comme. Le gars, il dit qu'il vient de l'Angleterre. Il n'y a pas un accent anglais pas en tout. C'est un Américain. C'est un acteur américain qui. Puis, tu sais, je trouvais que. Tout le long du film que Vincent Price, il surjouait. Mais tu sais, Vincent Price, il surjoue pas mal tout le temps. Mais là, c'était comme... Hey, il est vraiment trop mélodramatique, là. Vraiment... comment est-ce qu'elle s'appelle sa femme, là? Elisabeth, puis c'est comme... je sais pas, il fait des faces que je suis comme... My God! Baisse d'un cran un peu, là. Ben, je sais pas, en même temps, c'est très attaché à Vincent Price, ce style de jeu-là. Tu sais, c'est tout le temps théâtral au maximum. C'est théâtral au bout, oui. C'est théâtral au bout, mais... je sais pas, j'ai adoré sa performance parce que je suis habitué de voir Vincent Price jouer ainsi la plupart du temps. Moi, quand je pense à Vincent Price, je pense... Tu sais, je l'aime beaucoup dans The Last Man on Earth. C'est pas de, probablement mon film préféré de lui, parce qu'il est très sobre, très retenu, tu sais. Mais le film auquel je pense quand j'entends le nom Vincent Price, c'est The House on Haunted Hill. Parce que c'est le Vincent Price que j'aime, qui est à la fois charmant et mystérieux, tu sais, il est suave puis creepy, là, tu sais. Puis là, je sais pas, dans celui-là, il est juste pleurnicheur. Mais tu sais, vers la fin, il commence à creeper un peu, mais je sais pas. C'est plus son personnage que Vincent Price en tant que tel, parce que t'es supposé suivre un peu une genre de descente de la folie de Nicolas, justement, puis... Mais je sais pas, moi, je trouvais que ça marchait plus ou moins. Tu sais, comme un moment donné, il arrive de quoi au milieu du film, puis ils vont ouvrir un mur, puis ils découvrent de quoi à l'intérieur derrière ce mur-là. Puis il remonte dans sa chambre, puis il y a un gun, puis tu sens qu'il veut se tirer. Mais je sais pas, je voyais sa face, puis son jeu, puis je trouvais tellement ça exagéré, puis tellement... c'était trop théâtral pour moi, c'était pas assez cinématographique, là. C'était vraiment trop... OK, t'es pas sur une scène, puis je suis pas genre dans la salle, t'es pas obligé d'en mettre autant, là, tu sais, tu peux... Comme je disais, tu peux baisser d'un cran un peu, là, tu sais. Mais, c'est le style de l'époque aussi, puis c'est probablement ce que Roger Corman y a demandé, puis oui, c'est la touche un peu de Vincent Price, mais... Puis ça reste que, tu sais, il reste charmant encore, c'est Vincent Price, ce gars-là... Il a un charisme incroyable. Il suinte le charme, là, tu sais, puis quand il parle, quand il... Durant les flashbacks, parce qu'il y a une couple de flashbacks dans le film, il fait la narration des flashbacks, puis ce gars-là, il lirait une liste d'épicerie, puis je l'écouterais. Là, c'est un peu le Christopher Plummer de cette époque-là. C'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Ben, en même temps, il est inimitable, là, Vincent Price. Puis, non. Quand on a nommé notre garçon, mon fils Vincent, ben, on a pensé à Vincent Price, puis à d'autres aussi, mais Vincent Price, on y a pensé. T'sais. Mais... C'est ça, non, je l'aime beaucoup, petit, il est le fun à voir, mais c'est peut-être parce que je l'ai vu un soir que j'étais fatigué, comme je te disais avant d'enregistrer cette semaine, j'étais très fatigué, mais je pense pas, je pense que, tu sais, j'ai pas vraiment envie d'y retourner à ce film-là, puis tantôt, avant l'enregistrement, j'ai regardé encore des bouts pour me rappeler, pour être sûr que j'avais pas manqué d'une coupe d'affaires, puis même durant ces bouts-là, j'étais sur mon téléphone, puis c'est comme, ah oui, ok, j'en regarde un peu, okay, je fais d'autres choses, ben, tu sais, j'arrive pas à m'accrocher à cette histoire-là, je la trouve plate. Je trouve que les personnages, c'est comme des funambules, pas des funambules, ouais, des somnambules, tu sais, ça, comme ça. Ils marchent un peu endormis dans le château, puis tu sais, c'est un beau château, c'est un beau film, puis tout, mais je trouve ça emmerdant, puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, vas-y, mais je vais en revenir avec j'ai perdu ma pensée, mais vas-y. Ben, je sais pas, tu sais, comme je te dis, je considère pas que c'est un des meilleurs que j'ai vu, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce genre de production-là. J'ai vraiment pas regardé de Vincent Price depuis un long moment, puis on dirait que ça m'a fait du bien de retrouver cette vibe-là. Puis moi, le côté un peu mystère, essayer de deviner un peu ce qui arrive, ça m'a quand même accroché, parce que comme je disais, je trouve que t'as des éléments qui s'incrustent au fur et à mesure que le récit approche, puis il y a quand même un aspect assez dark, là. Il y a un fameux flashback par rapport à Vincent Price quand il était jeune qui. Quand tu y penses, là, c'est quand même assez, assez twisté là, comme flashback. Je trouvais que ça l'apportait un peu un côté dark que je trouve qu'il n'a jamais quitté jusqu'à la fin du film. Moi, le dernier plan m'a vraiment plu. J'ai vraiment aimé ça. Oui, oui. Je sais pas. C'est dark. Ça a donné que j'étais juste vraiment réceptif à tout ce que j'ai vu. J'ai vraiment embarqué à fond sans que ça soit forcément mémorable. Là. Mais tu sais, oui, c'est dark, parce que juste d'avoir une chambre des tortures dans la même maison que t'as un petit enfant de même pas 10 ans, c'est comme, moi, tu pourrais peut-être déménager ou bien faire d'autres choses avec cette chambre-là, tu sais, je sais pas, mais... quoi, mais le père était fou, il faut dire, mais... je voulais dire d'autres choses tantôt, mais j'ai oublié. En tout cas, peu importe, mais... C'est sûr, tu sais, qu'il y a des aspects, peut-être, tu sais, exemple, un remake de ce film-là, puis c'est ça que je trouverais peut-être intéressant, c'est peut-être d'aller plus profondément dans la psychologie de Nicolas, parce que, tu sais, sa peur de devenir un peu comme sa famille, parce qu'on dirait que c'est une malédiction qui rôde alentour, tu sais. Ils sont tous... Je sais même pas si on peut le dire, là, si c'est ce point-là, j'ai aucune idée, là. Mais je trouve qu'il y a un côté psychologique, tu sais, qui aurait pu être encore plus poussé, malgré que c'est quand même présent, je trouve, dans ce film-là, mais... Je sais pas. On dirait que j'ai été satisfait pas mal sur la plupart. Il y a un moment que j'ai trouvé quand même un peu long. J'ai l'impression que c'est genre Roger Corman qui étire un peu son film parce qu'il manquait de substance. Mais t'as une scène où que Vincent Price trouve justement le passage pour se rendre jusqu'à la chambre de torture où il entend des voix puis des sons bizarres. Puis c'est un bon 8 minutes où il fait juste dire Elisabeth au moins 30-35 fois que je commence. J'ai trouvé ça long, je trouve qu'il aurait pu couper un peu là-dedans, mais comme je te dis, le film dure 1h20, puis déjà là, t'as l'impression que Roger Corman savait plus trop comment arriver à faire une durée notable pour un film. Mais tantôt, je regardais encore ce bout-là, là, tu vois qu'ils sont dans les décorations d'Halloween, tout le... Il y a Vincent Price avance dans les fausses toiles d'araignée. Il y a une petite araignée en plastique qui passe. Non, mais tu sais, c'est des détails. Ça fait son charme. Tu sais, veux, veux pas, malgré que ça a quand même... Ça fait un peu Scooby-Doo. Ça fait un peu... Tu sais, ça a de la gueule, mais je veux dire, on dirait que c'est le genre de production qui a moins de budget que les films de la Hammer, justement. Tu sais, Hammer, c'est plus de glacé puis tout. T'sais, là, c'est Roger Corman essaie de faire un peu du sous-Hammer, mais... Je trouve qu'il se débrouille quand même bien. Puis, tu sais, c'est un peu ça la force de Corman. Tu sais, je veux dire, il fait des miracles avec rien, là, des peanuts. Là. Fait que... Ah, je vais juste aller voir en ligne deux secondes. Je me rappelle d'un film que j'ai vu avec lui, qui c'est de la même époque, puis c'était Le Masque de la Mort Rouge, je pense. Puis c'est-tu Hammer? Ben, c'était-tu Corman? C'était-tu... Il me semble que c'était avec Vincent Price, là, juste vérifier. Adaptation cinématographique, 64. C'est Roger Corman, OK. Et ça, j'avais plus aimé ça, il me semble. Faudrait que je le revoie, mais... C'est Edgar Allan Poe aussi, 1964. OK. C'est avec Vincent Price. OK, ben, ça, j'avais plus aimé ça, je pense. Je sais pas, j'ai moins accroché, puis je trouvais ça quand même assez... Oui, c'est dark, mais c'est quand même relativement... Ben, j'allais dire c'est simple comme récit. Ça veut pas dire que ça en fait un mauvais film, là. Il y a des récits très simples qui sont très bons. Je sais pas, c'est peut-être toute la question, comme on disait, du padding, c'est long un peu. Ça dure 1h20, mais j'ai l'impression que ça durait 2h. Puis... Ben écoute, j'imagine que. De toute façon, c'est le genre de production que si t'accroches pas à l'intrigue, c'est évident que ça va être long. Là. Je veux dire, ça mise pas mal là-dessus. Là. Ouais. Ça mise sur les dialogues entre les acteurs. Et les échanges des dialogues entre les acteurs, je trouve qu'ils sont plus intéressants vers. Plus loin un peu dans le film. Là. Au début, ça tourne un petit peu en rond là, de qu'est-ce qui est arrivé à ma soeur, je crois pas, qu'est-ce qui est arrivé. T'sais, ça se répète un peu, mais. Tu vois, John Kerr, puis son air bête, puis son air suspicieux tout le long, c'est voulu, je comprends, t'sais, qu'il soit. Qu'il y a des. Voyons. Il croit pas ce que Vincent Price lui dit. Ben, mais... le gars fait un long voyage parce qu'il vient d'apprendre nowhere que sa soeur est morte. Oh, oui. Pis, il arrive là, puis tout ce qu'on lui dit, c'est qu'elle est morte d'un problème sanguin, puis ça a l'air louche. Fait, c'est normal qu'il soit pas dans un état plus amical. C'est pas le genre de personnage qui va faire des sourires, puis tu vas commencer à t'attacher parce qu'il a un beau charisme. C'est le gars qui est genre. Qui vient d'apprendre que sa soeur est morte, puis il faut qu'il trouve, il veut savoir absolument qu'est-ce qui est arrivé, elle est où ma soeur, là? Dans le fond, c'est notre personnage principal, celui qui nous introduit, celui avec lui qu'on rentre dans le château, mais c'est à Vincent Price qu'on est supposé s'attacher, probablement, tu sais. Parce que c'est pas à John Cash. Parce que moi, personnellement, je trouvais que c'était pas à lui que je m'attachais, là. J'étais comme, ok, il m'intéresse pas en tout ce personnage principal, là. Moi, en fait, il y avait pas tant de personnages que je m'identifiais ou que je m'attachais. J'étais plus en mode. Enquête à savoir ce qui se passe puis à analyser un peu avec le personnage de John Kerr. C'est pas mal ça en gros. Je pense pas que c'est le genre de film que tu vas t'écoutes pour le personnage principal qui est ton héros puis que tu l'aimes là, puis t'espères qu'à la fin il va rien arriver malgré une bonne scène de suspense à la fin. Tu l'attends tout le long, la fameuse scène de Pit and the Pendulum. Puis tu sais, la scène, je la trouve vraiment cool en tant que telle. Là. Je la trouve efficace. Là. Ouais. Quoique, je pense qu'il aurait encore pu avoir un meilleur. Long, c'est long, mais je trouve que là, on dirait que Corman avait de la misère avec sa mise en scène de savoir comment créer un suspense avec ça. Tu sais, exemple, t'aurais pris le réalisateur des Diaboliques, tu aurais demandé de tourner cette scène-là. Je suis pas mal certain, ça aurait été 100 fois meilleur, mais tu sais. Oui. En même temps, je veux pas. Pour le suspense, Clouseau est 100 fois meilleur que Corman. Mais je trouve ça un peu injuste de comparer, je veux dire. Corman, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui a tout le temps. C'est parce que tu l'aimes, tu veux pas le. T'as peur qu'il nous écoute, puis tu veux pas le décevoir. Il y a 95 ans, genre, puis tu. Non, je l'aime quand même. Je suis conscient que c'est un gars qui a pas forcément le talent. C'est un peu comme du Gordon Ashton Lewis. On sait que le gars est pas forcément talentueux, mais il a tellement de cœur dans ses œuvres que ça fait son charme, puis c'est un peu ça qui arrive avec Corman. Quoique. The Pit and the Pandadon, c'est pas faible de même. C'est quand même c'est un bon film, mais c'est pas dans les meilleurs de cette période-là. Non, c'est ça. T'sais. Moi aussi, j'aime Vincent Price puis j'aime Corman. J'aime ce qu'ils font tous les deux, mais c'est pas leur meilleur, je trouve. Non, exact, c'est ça. Puis le côté théâtral, je me répète, mais le côté théâtral m'a tapé un peu ses nerfs. T'sais. Mais pourtant, j'aime ça, le théâtre, puis j'aime ça, ce genre de film-là d'habitude, mais là, je trouvais que c'était trop, là. Pour aussi peu, pour une... en tout cas, pas assez d'histoire, puis trop de jeux, trop de... Exactement. Pas assez de bien. Oh, mon Dieu! C'est quasiment mais, ça. En même temps, si tu dis que c'est adapté d'une petite nouvelle, oui. c'est pas forcément évident d'ajouter beaucoup de viande. Il n'y a pas de contenu, tant que ça. Non, il n'y a pas tant de contenu. Il y a du contenu, oui, tu dis qu'il y a du contenu psychologique, oui, il y en a un peu. T'sais, Richard Matheson a essayé de faire du mieux ce qu'il pouvait. Mais... Oui, exact. Mais t'as pas... Non, t'sais... C'est prendre une petite nouvelle, la mettre juste à la fin du film, puis dire, ben le reste, faut faire une heure de quelque chose. Là. Notre scène de suspense, c'est les 20 dernières minutes, 15, 10 dernières minutes. Faut juste que tu te laisses bercer par l'atmosphère. C'est pas mal ça, en gros. Tu suis Vincent Price dans son délire psychotique, puis tu te laisses bercer par les sons bizarres qui rôdent dans un château mystérieux. Puis ça, je suis déjà un peu vendu d'avance. J'aime ça, ce genre d'ambiance-là, dans des châteaux, des gros manoirs qui semblent vides, mais qui renferment plein de secrets tordus avec un côté surnaturel par moment, on dirait. Moi, ça me plaît beaucoup. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est venu un peu plus me charmer. Oui. T'as-tu... on n'a pas parlé avant l'épisode, mais t'sais, on faisait avant des recommandations d'autres films, puis je pense à... T'sais, tu me parles de ça, tu parles de château avec un sous-sol lugubre et tout ça, puis je pense à un autre film, fait que t'as... Je sais pas si ça tenterait de faire une autre recommandation. C'est ridicule, je te sors ça de même, là, mais... Non, ben, écoute, pour aller un peu dans le même genre avec la torture puis l'inquisition de l'espagnol, je pense que l'autre film que, justement, Vincent Price a fait, c'est... Je veux pas mal dire le film, là, c'est... Winchester General, je sais pas si c'est ça. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. En tout cas, qui est une adaptation de ça aussi. Et je pense pas mal ça, j'irais comme recommandation, sinon pas de ça. Je veux dire, on pourrait facilement recommander juste la plupart de la filmographie de Vincent Price avec Corman de cette époque-là, puis des adaptations d'Edgar Allan Poe. Sinon, allez voir, je vous recommande L'Abominable Dr. Field. Tu sais, c'est comme un de mes Vincent favoris, puis je trouve que c'est une de ses meilleures performances également. Fait que. Ben, pour le côté Vincent Price que j'aime, aller voir The House on Haunted Hill, puis ouais. Le côté maison lugubre avec un sous-sol lugubre et tout ça. Maison creepy, c'est... je l'ai déjà mentionné, mais je mentionnerai The Black Cat, je pense que c'est 1932, avec Bela Lugosi puis Boris Karloff. C'est vraiment très bon, ce film-là. C'est vrai que j'ai pas vu, celle-là. Ouais, moi, je l'ai vu l'année passée, puis j'ai trippé, puis ça fait deux ou trois fois que je le mentionne, fait que j'ai vraiment aimé ça. Dommage, t'aurais pu le prendre pour ta chaîne liste. Oui, c'est vrai. Puis, ben, nos recommandations, genre location, achat, tout ça. Je trouve que c'est quasiment plus dur des recommandations que les notes. Mais. C'est vrai, t'es habitué aux notes sur Séance de minuit. Ouais, non, c'est ça. Mais. Écoute, moi, il fait partie d'un coffret de Scream Factory de Vincent Price avec 6 films. Puis souvent, celui-là se retrouve dans les vieux DVD d'MGM Double Feature avec d'autres Vincent Price pour. Des peanuts. Fait, si vous êtes un grand fan de Vincent, ben je pense pas que ça va faire de tort dans votre collection. C'est peut-être une œuvre que je vais revoir ou peut-être pas, je l'ignore, mais je vous le recommande si vous êtes fan et si vous connaissez à peine Vincent Price, peut-être une location pour celui-là, parce que c'est pas forcément dans ses meilleurs à mes yeux non plus, malgré que le film a une très bonne réputation. Ouais. Il est sur iTunes. Ouais, exactement, c'est ça, là. Vous pouvez le voir sur iTunes. Moi, mais le prix... ça serait ça ma recommandation, c'est une location. Mais tu sais, le prix que tu vas louer sur iTunes, c'est le prix que tu vas payer le DVD. Fait que... Ouais, j'ai été voir dans des places de DVD usagés pas loin de chez nous, chez Chumlaze, puis il ne l'avait pas en DVD, mais bon. Ok. Alors j'imagine qu'il faut fouiller des pawn shops, c'est ça qui arrive. Ouais. Si ça vous tente pas de fouiller, ouais, aller sur iTunes, ça va être moins compliqué. Fait que, ben... Ah oui, je voulais juste mentionner, ça a été fait par... On l'a dit tantôt, Samuel Zarkov. La compagnie, c'est American International Pictures. AIP, je sais si c'est AIP International. Mm-hmm. Anyway, cette compagnie-là faisait plein de films d'horreur, mais aussi des films de d'autres genres, comme des films de plage. On avait vu, toi puis moi, dans le bras de fer des films, Beach Party avec Frankie et Annette. Un de tes classiques? Oui, un de mes classiques. C'est American International Pictures, je viens de checker le nom du studio. Puis, eux autres, ils faisaient des fois des croisements de vedettes ou de dans le film, ils faisaient des références à d'autres films. Dans Beach Party, qu'on a vu, toi et puis moi, il y a un personnage muet, silencieux, dans le coin, dans un bar. Il y a un genre de bar qui s'appelle le bar à Big Daddy. Puis, t'as Big Daddy qui est dans le coin. Il a la tête... Le menton sur le chest comme ça, comme s'il dormait, il y a un chapeau sur la tête, on ne voit jamais la face tout le long du film. Puis les gens disent « Ah, oh, c'est Big Daddy, il ne faut pas le réveiller. » Puis tout. Puis quand il va parler, tu sens qu'il va dire quelque chose. Quand il va se réveiller, tu sens qu'il va avoir quelque chose d'intelligent à dire. T'sais. Puis à la toute fin du film, le gars, il lève la tête puis il dit quelque chose. Puis il lève la tête puis c'est Vincent Price avec une barbe. Puis Vincent Price, il dit, je le dis de mémoire comme ça, il dit genre « The Pit ». Bring me my pendulum, kiddies, because I feel like swinging. Puis à la fin du film, t'as un écriteau qui dit ne manquez pas Vincent Price dans son prochain film, dans le prochain film d'American International Pictures, The Haunted Palace, qui sortait genre 3 semaines plus tard après Beach Party. Là, fait qu'il y avait une référence à Pendulum, puis une annonce pour le prochain film. Nice. De Roger Corman aussi, je pense. Fait que c'est le studio qui servait de ses propres films pour faire de la promotion, tu sais. Ben, ils n'ont pas le choix en même temps. Sauf que c'est drôle. T'sais, normalement, quand tu essaies de faire de la pub pour tes futures productions, tu essaies de mettre ça sur des films du même genre. Là. Ouais. Quand tu vas voir des films. Qu'est-ce que tu vas voir des films d'horreur au cinéma, normalement, même si c'est sorti par un autre studio, tu sais, Blumhouse, ben, ils vont mettre d'autres films d'horreur. Ben, quoique globalement, c'est pas mal des films d'horreur qu'ils font, mais t'sais, tu mets ça dans le même genre, c'est sûr que tu vas voir Beach Party. Puis ensuite, c'est tu vois. Drôle, tu sais, tu dis, ben, ça, ouais. Les films d'horreur peuvent les intéresser, je sais pas. Peut-être. Puis je pense que dans le deuxième des films de plage avec Frankie et Annette, il y a Boris Karloff, je pense, qui apparaît à la fin. Ils ont fait ça pendant 2-3 films de la série, là, d'avoir quelqu'un à la fin qui apparaît et qui fait de la promotion pour son autre film. Là, tu me donnes quasiment envie de voir les suites juste pour voir les promotions. Je t'invite à aller voir. fait que là-dessus, on va aller... Ah oui, j'avais choisi une chanson. Je te propose une chanson. Ça s'appelle The Inquisition. On parlait d'Inquisition espagnole tantôt. The Inquisition par Mel Brooks et ses amis. C'est dans le film La folle histoire du monde de 1981. History of the World Part 1. Puis ça, c'est une chanson que moi, j'adore. J'étais haut, j'avais 3-4 ans, puis j'adorais cette chanson-là, puis je comprenais absolument rien ce que ça disait. Puis quand j'ai fini par comprendre la scène, que ça parle de torture et tout ça, puis c'est super joyeux, c'est fait... dans le film, c'est fait comme un numéro de MGM là, des années 30 ou 40, avec plein de danse et tout ça, puis c'est super, super le fun, mais ça parle de l'Inquisition espagnole puis la torture, c'est le fun. Ouais, mais tu sais, combien de chansons qu'on écoute qui sont considérées des classiques aujourd'hui, puis ça a un refrain super accrocheur, le beat est joyeux, catchy, puis quand tu regardes plus profondément, quand tu es capable, plus vieux des paroles, t'es comme... Oh my god, exemple, ça parle de dépression puis de suicide. Tu étais comme moi, je pensais que c'était une toune joyeuse. Mel Brooks, c'était son genre aussi. L'humour, ouais. L'humour juif qui se moque un peu des oppresseurs. T'sais, dans le film The Producers en 69, il faisait sa fameuse chanson Springtime for Hitler, qui était une chanson très joyeuse, quasiment efféminée sur Hitler. T'sais, là, il fait une chanson sur l'Inquisition espagnole. Fait que je vous propose ça, puis on vient tout de suite pour parler du film Les Diaboliques. Let all those who wish to confess their evil ways and to accept and embrace the true church convert now or forever burn in hell. For now begins the Inquisition. The Inquisition. Let's begin. The Inquisition. Look out, Sam. We have a mission to convert the Jews. Jews. We're gonna teach them wrong from right. We're gonna help them see the light and make an offer that they can't refuse. That the Jews just can't refuse. Confess. Don't be boring. Say yes. Say yes. Say yes. Don't be dull. A fact. You're ignoring. It's better to lose your skull cap than your skull. Oh, you're gewalt. The Inquisition. What a show. The Inquisition. Here we go. We know you're wishing that we'd go away. But the it's here to stay. Oh boy, the Inquisition, watch out. The Inquisition, oi, oi. I was sitting in a temple. I was minding my own business. I was listening to a lovely Hebrew mass. Then these papist persons plunge in and they throw me in a dungeon and they shove a red hot poker up my ass. Is that considerate? Is that polite? And not a tube of preparation H in sight. I'm sitting flicking chickens and I'm looking through the pickings, and suddenly these guys break down my balls. I didn't even know them, and they grabbed me by the scrotum and they started playing ping pong with my balls. Oi, the agony! Ooh, the shame! To make my privates public for a game? The Inquisition, what a show! The Inquisition, here we go. We know you're wishing that we go away, but the Inquisition's here and it's here to. Hey, Torquemada, what do you say? I just got back from the auto de fe. Auto de fe? What's an auto de fe? It's what you oughtn't to do, but you do anyway. Skit, scat, and voodly vat, and doodly day. When you convert. No, no, no, no. Will you confess? No, no, no, no. Will you refight? No, no, no, no. Will you say yes? No, no, no, no. Now I ask in a nice way, I said pretty please. I bent their ears, now I'll work on their knees. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. On est de retour pour le film Les Diaboliques, du réalisateur Henri-Georges Clouzot, sorti en 1954. C'est adapté du roman Celle qui n'était plus, du duo Boileau et Narcéjac. Ça m'en vedette Simone Signoret et Vera Clouzot. Puis là, ben, je vous lis le résumé de Wikipédia qui résume ça très très bien. Ça dit « Christina mène une existence malheureuse auprès de son mari, le tyrannique Michel de la Salle, directeur du pensionnat pour garçons dont elle est propriétaire. Elle sait qu'une des institutrices, Nicole Horner, est sa maîtresse, mais cela n'a pas empêché les deux femmes de se rapprocher l'une de l'autre. Christina voit en effet en Nicole une compagne d'infortune, partageant avec elle sa haine envers Michel. Lorsque Nicole demande à Christina de l'aider à tuer Michel, celle-ci accepte. Toum, toum, toum, toum. Toum, toum. Mon opinion en général de ce film-là. Globalement, j'ai aimé, et je pense que je vais y retourner un moment donné. J'ai trouvé ça, encore une fois, même critique que pour l'autre film, un petit peu long par moment. Je trouvais qu'il y avait du padding, je trouvais qu'il y avait des mouvements de caméra des fois qui étaient... J'étais comme, je comprends pas pourquoi tu laisses ta caméra tourner à ce moment-là. Comme je me rappelle d'une scène très, vraiment en particulier où on voit le personnage de Christina rentrer dans un immeuble, elle rentre dans l'ascenseur. Là, tu vois deux personnes sortir de l'ascenseur. Là, t'es suivi jusqu'au temps qu'ils sortent de la bâtisse. Mais ces deux personnes-là n'ont aucun fucking rapport dans l'histoire. Puis on les revoit plus jamais. Puis j'étais comme, mais pourquoi je les ai suivis jusque-là? T'sais, ça aurait pu couper au moment où Christina rentre dans l'ascenseur. C'est un détail, mais bon. J'ai aimé la performance de Simone Signoret. J'ai aimé la performance du gars qui fait Michel de la Salle. L'acteur, c'est... Je vérifie dans deux secondes. C'est Paul Meurice. Il était vraiment détestable dans son rôle. Mais le personnage principal de Christina, joué par Vera Clouzot, qui est la femme du réalisateur, j'ai moins aimé. Je trouvais qu'elle était pas super bonne actrice, puis c'était un cas vraiment dans mon imagination. Là, c'était vraiment un cas du réalisateur qui donne le rôle principal à sa femme. même si elle n'a pas nécessairement le talent pour nous amener où ce qu'elle devrait nous amener. Parce que je trouvais que dans les gros moments dramatiques, elle faisait... C'est un peu la même critique que j'ai faite pour Vincent Price, mais elle faisait du surjeu là, à en mettait trop, ou ça sonnait faux, selon moi. C'était jamais... Il faut dire qu'il y a le style de l'époque aussi, le style des années 50. Pis... Mais c'est ça qui arrive. Je veux dire, je t'entends pareil souvent faire ce reproche-là dès qu'on fait des films de cette époque-là. Tu faisais ça aussi sur le bras de fer des films. Pis, veux pas, c'est un jeu qui vient d'un autre air. Fait oui. En même temps, faut que tu gardes ça à l'esprit en revoyant des films que ça va tout être théâtral, entre guillemets, puis ça peut paraître surjoué, mais, ouais, mais c'était pas mal comme ça que tous les acteurs jouaient. Là. Oui, mais il y a quand même des films meilleurs que ça, puis tu sais, c'est ça qui va faire en sorte que je donnerais pas, mettons, si j'avais donné des étoiles, je donnerais pas un 5 étoiles à ce film-là. Faut que je trouve des affaires négatives aussi. Pas parce que je veux absolument en trouver, mais parce que le film m'a fait penser ça tout le long du film. C'est des pensées j'avais en tête, j'étais comme, elle, je la trouve pas bonne. C'est juste moi, je sais que c'est juste mon opinion, mais moi, je la trouve pas super bonne, cette actrice-là, tu sais. Simone Signoret, j'ai aucun problème avec. Les autres, j'ai pas de problème. Mais l'actrice principale, il me semble qu'on aurait pu faire mieux comme actrice dans ce film-là. T'sais. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Je l'ai pas vu dans d'autres choses, je sais pas. Là, je peux pas comparer avec d'autres choses qu'elle a faites. Mais c'est ça. Je donnerais. C'est pas un chef-d'œuvre pour moi, ce film-là. C'est pas une réussite à tout point. Il y a des points négatifs. Il faut que je les nomme selon ce que j'ai ressenti en le voyant le film. T'sais. C'est juste ça, dans le fond. Oh oui, non, c'est normal. T'sais, je trouvais que oui, t'sais, Clouseau, il a une bonne maîtrise de sa caméra, il y a des affaires qui font que c'est super intéressant. Puis, en même temps, je comparais, t'sais, parce que j'ai vu son autre film que moi j'adore, Le Salaire de la Peur, puis c'est lui qui réalisait ça. Puis je trouvais que Le Salaire de la Peur était tellement mieux maîtrisé dans son suspense et tout ça. Il y avait des scènes incroyables, puis je trouvais pas de scènes si marquantes que ça dans Les Diaboliques. T'sais, dans son ensemble, c'est bien comme film, c'est bien, bien construit puis tout, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de grosse scène qui va me rester en mémoire. T'sais, que, au pire, la scène qui me reste le plus en tête, ça va être la scène du bain, peut-être, je sais pas, vers le début du film, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui serait si marquant que ça. T'sais. Puis c'est ça, pas mal en gros, mais mon opinion, là, c'est que j'ai trouvé ça bien, mais ça aurait pu être un petit peu mieux encore, mais c'est ça. Vas-y. OK. écoute, si un des deux films faudrait que je choisisse, que j'ai préféré ce soir, c'est évidemment Les Diaboliques, parce que... Wow! Quel ride! moi, le film, personnellement, m'a vraiment pas déçu. Je connaissais rien. Je n'ai jamais entendu vraiment parler ou je me suis pas trop renseigné. Je l'ai vu dans des tops, mais pas tant que ça. Et après l'avoir vu, je me renseignais parce que j'étais comme, my God, on pourrait quasiment dire que c'est une histoire que Hitchcock aurait voulu faire, tu sais. Je trouve dans le mode puis tout. Puis quand j'étais voir un peu des anecdotes, Hitchcock voulait le faire, le film. Je pense qu'il avait lu le livre puis il voulait le faire. Puis, je me disais, crime, tu sais, Hitchcock avait tout le temps le statut du maître du suspense, tout ça, mais on peut pas enlever au fait que Henri-Georges Clouzot est aussi bon qu'Hitchcock, pratiquement. Là, je veux dire, je dis pas qu'il enlève son statut à Hitchcock avec Les Diaboliques, mais Les Diaboliques, pour moi, du début jusqu'à la fin, c'est un suspense constant qui m'a tenu en haleine. J'ai jamais décroché, j'ai jamais trouvé une séquence trop longue, personnellement. Et j'ai trouvé les deux actrices, j'ai trouvé les deux vraiment bonnes. Peut-être, je sais pas, peut-être que tu as raison sur le fait que Vera Tluzzo peut paraître peut-être moins nuancée sur son jeu que Simone, mais en tant que telle, j'avais tellement pitié de ce personnage-là, de cette femme-là, puis le personnage joué par Paul Meurice est tellement détestable. c'est surréaliste, il joue vraiment un méchant bon trou de cul. Et il y a des moments surréalistes dans l'histoire, tu sais, il rentre dans une pièce, puis là, de toute façon, déjà partagé, juste le fait que Christina soit autant amie avec la maîtresse de son mari, tu sais, avec qui couchait, c'est surréaliste. Puis lui qui rentre dans une pièce, puis qui regarde les deux comme « vous m'embrassez pas ». Puis tu sais, il regarde les deux vraiment, puis il est sur le bord d'embrasser une après l'autre. Puis le gars il se permet tout parce qu'il sait qu'à quel point le personnage de Christina est faible, soumise, puis elle se fait profiter du à fond, cette femme-là. C'est hallucinant. Et je pense que c'est une des grandes forces du film, c'est qu'un coup que l'histoire va s'enchaîner sur le plan entre la maîtresse et Christina qui veut tuer son mari, c'est un suspense constant, là, au moment où il faut qu'elle se rende à l'hôtel, tout ça, je veux dire, c'est non-stop. Mais entre ça, je trouve qu'il y a un côté psychologique, puis des personnages plus profonds, puis il y a de quoi de vraiment intéressant à suivre là-dedans. Je trouve que c'est super bien écrit, le film. Et comme je te dis, moi, je trouve qu'il y a plein de scènes mémorables, là, que ce soit la scène de l'hôtel fatidique, je la trouve écœurante, ou toute la scène qui retourne au pensionnat à telle heure, ces choses-là. Je trouve que le film accumule des scènes qui gardent en haleine. La piscine, come on! Tout le long, là, t'es juste obsédé avec Christina par rapport à cette fameuse piscine-là. Puis je sais pas, je sentais son stress, je sentais ça perd de la raison, parce que plus le film avance, plus tu vois ce personnage-là descendre dans la folie. Puis là, un peu comme le film de Vincent Price, autant tu as une hypothèse claire, autant que finalement, il y a d'autres éléments qui font en sorte que tu peux douter, ça te fait vaguer. J'ai vraiment aimé ça. Et la grande finale, la finale, comment c'est amené, j'en ai eu la chair de poule. La fameuse scène, comme je dis, on va avoir une petite section spoiler, fait qu'on va pouvoir plus élaborer puis paraître moins être clair dans nos impressions. Mais la finale, j'ai vraiment trouvé écœurante. Puis la dernière scène, je trouve qu'il y a un petit côté ambigu qui m'a vraiment plu, qui est pas clair sur un aspect, que j'ai trouvé ça vraiment nice également. Tandis qu'au début, tu pourrais croire que la finale est très simpliste et explicatif, mais j'ai trouvé ça moins pire qu'un Psycho, exemple, avec son 5 minutes de dialogue pour faire en sorte que le public comprenne tout. Tandis que là, c'est quand même bien fait. Et my God, moi j'ai pas vu Le Salaire de la peur de Clouzzo. J'ai seulement vu le remake que j'ai trouvé écœurant. Mais en voyant les diaboliques, en voyant la maîtrise de ce réalisateur-là, avec le suspense, il maîtrise la tension comme vraiment un maître. Autant qu'Hitchcock, là, je trouve qu'il ne mérite pas d'être en dessous d'Hitchcock. Pour moi, ce sont deux grands de l'époque qui maîtrisaient le suspense comme rarement le public devait le vivre à l'époque. J'imagine le public de 1955 devant ce film-là au cinéma, un coup de le générique qui apparaît à la fin, il devait avoir le souffle coupé. Puis juste l'idée de la petite phrase de essayer de ne pas gâcher la surprise à ceux qui vont voir le film, puis dites rien, parlez pas des twists ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est une chose qui devrait exister encore. Autant ça peut paraître con, mais des fois, c'est difficile avec les spoilers. Tu sais, tout le monde veut éviter Internet pour pas voir les spoilers du dernier Star Wars ou d'une finale d'une télésérie. Mais crime, je pense que des fois, le monde réfléchisse pas à ça puis ils vont parler pareil de tout ça. Ben, ça prendrait encore un gros écriteau qui dit « Hey, peut-être de manière plus vulgaire, femme ta gueule, parle rien des twists. » Mais c'est ça. En gros, c'est un des classiques qui m'a beaucoup marqué, que j'ai découvert pour la première fois. Je regrette encore une fois de ne pas l'avoir vu auparavant. J'ai vraiment adoré suivre ces deux personnages-là. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est nuancé. Tu sais, tout le long du film, tu penses que la personne diabolique, c'est le personnage de Michel de la Salle, parce qu'il est naturellement détestable avec tout le monde, mais plus le film avance, plus tu hésites entre ces trois personnages-là. Tu sais, ça s'appelle les diaboliques, mais tu sais, justement, lequel des trois personnages principaux est réellement le plus diabolique? Puis je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être des petits aspects plus nuancés que j'ai pas porté attention au premier visionnement, que je pourrais peut-être plus voir en profondeur. Je sais pas, je trouve que ce film-là, il y a une richesse en plus d'être un solide divertissement pour ceux qui sont amateurs de suspense, qui te pognent à la gorge. Et non, c'est ça en gros pour moi. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, celui-là. Je comprends son statut, je comprends pourquoi il est dans des listes. Et je le recommande fortement, là, vraiment à fond. Là. Eh bien, il faudra que je le revoie. Parce que je vois pas le côté chef-d'œuvre. Je vois que c'est un bon film, mais je vois pas le côté chef-d'œuvre. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était d'une maîtrise incroyable. Est-ce que c'est parce que j'ai pas vu beaucoup de films de Clouzzo? Je pense pas. C'est juste vraiment, j'ai trouvé l'intrigue. À l'époque, ça devait quand même être innovateur comme intrigue. Puis je veux dire. Puis tu sais, j'ai écouté ce film-là en 2018 pour la première fois. 2018 pour la première fois. Puis. Crime, le film n'a pas pris une ride à mes yeux. Tu sais, oui, il y a l'aspect noir et blanc, l'aspect du jeu des acteurs qui T'sais, tu vois que ça vient d'une autre époque, mais oui. Ça m'a zéro dérangé. J'ai pas trouvé que ça a pris une ride vraiment. Puis tu sais, peut-être que le Blu-ray de Criterion aide parce que le transfert est super. Mais j'ai l'impression que tu fais écouter ce film-là à du monde d'aujourd'hui. Puis justement, il a rien perdu de sa force dans son suspense puis son intrigue. La finale, comment. C'est ça que j'ai adoré avec Cluzo, c'est la manière qu'il tire son suspense. Tu sais, les scènes peuvent paraître longues, mais ils sont longues, mais sans jamais te lâcher. T'as un suspense constant, puis la finale qui vient t'agripper autant que le personnage principal, au point que t'as de la misère à respirer avec les jeux d'ombre, à savoir qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, t'attends le fameux punch, puis j'ai vraiment trouvé ça maîtrisé de bout en bout. Mais une belle claque. J'ai vraiment trouvé que c'était une belle claque. Ah ben c'est cool quand même que t'as aimé ça à ce point-là. Mm-hmm. Moi, je sais pas, t'en parles, puis je sais pas quoi rajouter de plus, fait que tu sais, je suis comme, on devrait être un spoiler tout de suite. Ben c'est ça, il y a bien des choses que j'ai envie de rajouter, mais j'ose pas parce qu'il y a des petits détails que je trouve, c'est des surprises que tu découvres en voyant le film. T'sais, j'ai trouvé ça vraiment bien de rien savoir, là, ça l'enlève, ça te laisse place justement à plus de surprises. Tu sais, je sais pas, moi, avoir su la finale de Les Diaboliques, moi, je trouve que personnellement, ça m'aurait fait un peu chier pour le déroulement de l'histoire, le suspense en tant que tel. J'hésite depuis tantôt à le mentionner parce que je sais que tu vas dire « Ah, je savais! » Mais tu sais que j'ai lu le livre, là, tu sais. Oh, oui, je le sais. Fait qu'en voyant le film, c'est peut-être ça qui me déçut un peu. Mais tantôt, durant la section spoiler, je vais en parler parce que le livre puis le film, c'est très, très, très différent. Mais en même temps, c'est mm-hmm. très, très, très semblable. Je vais expliquer pourquoi, là, mais juste en gros, de même, je sais pas qui a écrit le scénario du film. C'est Henri-Georges Clouzot. OK, c'est bon. Ben, il a vraiment pris le livre, puis il a juste pris la situation de départ. Mais il a fait un gros twist. Je t'ai expliqué tantôt durant la section spoiler. Il a fait un gros twist là, qui... Mais en tout cas, mais oui, je savais un peu comment ça allait se terminer. Je savais un peu qu'est-ce qui s'en venait. Fait que j'étais comme tout le long. Arrive-y, à un moment donné, abouti, là, tu sais, parce que tout le padding avec l'école, je trouvais que l'école, c'était comme, tu sais, les étudiants, tout ça, c'est long, tu sais, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est... Mais il n'y a pas vraiment tant d'emphase là-dessus. C'est, n'empêche que c'est le fait que c'est le contexte où c'est que le personnage principal travaille. Puis je veux dire, veux pas, les enfants... Pas forcément qu'il y a une importance, mais ils vont venir ajouter à du suspense. C'est comme je disais, la scène de la piscine, tout est un enchaînement avec... Puis la scène de la photo, je peux pas dire que c'est la scène de la photo à m'intriguer. Je trouvais ça le fun, tu sais. Ouais, non, j'avoue que ça amène à des scènes de fun, là. Ça, puis veut pas, c'est comme le lieu pas mal principal de tout le film, puis toute l'intrigue va jouer justement avec le décor. Tu sais, si c'est un film qui se déroulerait dans une maison... Puis elle voudrait tuer son mari, puis admettons, ramener le cadavre à la maison, ça serait. Tu sais, il n'y a pas. T'as pas fait attention au quartier, mais là, t'es dans un endroit public, une école. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus de préparation que juste tuer ton mari. Tu sais, c'est bien beau tuer ton mari, mais faut que tu trouves un moyen de t'en sortir dans tout ça, là. Fait que c'est une chose vraiment, vraiment compliquée, là. Non, je sais. Tu vas me dire que je compare des pommes puis des oranges, mais c'est parce que dans le livre, t'es vraiment juste focusé sur le personnage principal, puis dans sa tête tout le long, puis dans sa descente aux enfers, puis. Le personnage principal travaille pas dans une école, puis tu sais, c'est très différent de comme setting. Fait que toute la question de l'école, ça me tapait un peu ses nerfs au début. C'est sûr que en y repensant, je suis comme, ouais, ça avait un but, tu sais, évidemment, tu sais, mais pour nous amener justement la scène de la piscine, puis la scène de ça, puis la scène. Mais je sais pas si en disant ça, tu reprochais qu'il y avait pas ça dans le film, mais moi, je trouve qu'on suit bien l'évolution psychologique du personnage principal, puis on la quitte jamais. Ouais, je veux dire, ça, c'est correct. OK, parce qu'on est tout le temps avec elle, puis j'ai trouvé qu'il y avait une bonne progression de descente à devenir folle un peu avec tout ça, puis à savoir qu'est-ce qui se passe exactement, là. Fait que j'ai trouvé ça bien amené, puis tu sais, justement... je trouvais ça drôle quand je regardais derrière mon boîtier de Criterion, tu sais, ça disait Before, Psycho, puis le Repulsion de Polanski, puis tu sais, mais en voyant le film, là, je trouve que c'est beaucoup plus clair, tu sais, tu te dis que c'est Cluzo a sûrement influencé d'autres grands réalisateurs comme ça auparavant, puis tu sais, Les Diaboliques, je pense que c'est un film qui était resté un peu plus peut-être dans l'ombre avant que ça ressorte en DVD, ou je sais pas trop, peut-être que je parle sans connaissance, là, mais j'ai l'impression que peut-être on avait donné plus de crédit à justement d'autres films, que ce soit d'Hitchcock ou de Roman Polanski, ouais. Alors que Crime Cluzio mérite autant de... Je me rappelle que quand le remake est sorti, je n'avais entendu parler de l'original. Je savais que le remake, c'était un remake. Là. OK. Mais tu sais, ça a pris jusqu'à cette année avant que je voyais... Parce que moi aussi, c'était la première fois que je les voyais tous les deux, les films. Là. Mais je me rappelle que quand le remake est sorti, il en parlait que c'était un remake. Là, mais tu sais, je savais que tu voulais lire le livre avant de voir le film. Puis quand j'ai terminé le film, j'étais comme, je pense que ça peut affecter le visionnement d'avoir lu ce livre-là, ouais. Si le livre est quand même assez semblable. Puis c'est pour mais ça juste, moi... Mais juste pour faire une parenthèse, parce que tu ouais. me disais, t'avais peur que je donne une mauvaise note au film, mais tu sais, ça m'arrive des fois de lire un livre puis d'aimer mieux la version en film. Ça arrive pas souvent. Puis je n'ai parlé il y a 2 semaines avec Vicky, 3 semaines, que The Handmaid's Tale, la série, je la trouve 100 fois meilleure que le livre. Puis le livre est super bon, mais la série élève ça à un niveau là, que tu... incroyable, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, t'as vu mes notes pour Annihilation ou pour The Ritual, tu sais, je les ai pas aimés autant que le livre. Les deux livres étaient vraiment géniaux, puis les deux films, j'ai trouvé ça valait pas ça, tu sais. Mais... Écoute, c'est hors sujet avec les diaboliques, mais là, c'est parce que tu parles de livres, mais ce que j'ai dit dans notre conversation privée, là, je m'en fous si c'est dans l'épisode, ça dure 2 secondes, là, mais ce que j'ai dit par rapport à Ready Player One, c'est parce que te connaissant et sachant que tu as lu le livre et avec ce que je me suis renseigné par rapport au livre, en tout cas, d'après moi, tu vas te détester. je m'attends à être déçu un peu parce que j'ai lu des affaires aussi que il manque beaucoup de choses qui sont pas là. Mais... Non, mais en fait, sérieusement, moi, peut-être que ce sera pas le cas, mais je m'attends à ce que tu détestes le film. Okay. Parce que tout ce que tu... On est dans un autre film, c'est pas mais tout ce, que tout ce que tu reproches au cinéma des dernières années, c'est là-dedans. Fait que je serais mais c'était dans le livre aussi, le tripage, tu sais, le trip des années 80, c'était dans le livre oui, aussi. Oui, non, là. Je sais, mais tu vois que comment le film est fait, tu vas mieux comprendre ce que je veux dire. Mais c'est Steven Spielberg. Oui, je sais. Peut-être que je me trompe, peut-être que tu vas avoir du gros fun, mais moi, j'ai un feeling, surtout que tu as lu le livre, que tu vas être déçu beaucoup, je le pense, mais on verra. Le livre de Ready Player One, c'est pas de la grande littérature, mais j'étais en train de le lire, puis j'étais, t'as le goût d'avoir le poing en l'air, puis d'écouter du Rush, puis tu sais, ouais. En tout cas, il y a du Rush tout le long dans le livre quasiment, mais je sais que c'est pas dans le film, mais bon. Non, il y a pas de Rush, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais non, c'est ça. Tu sais, des fois, ça arrive, mais c'est vrai qu'on est souvent déçu, puis je me souviens plus encore. Quelqu'un sur Facebook, je pense que c'est Jesse Anctil, quelqu'un qu'on connaît à travers les podcasts ouais. aussi, qui, je pense qu'il avait vu Annihilation, où il allait le voir, je ne sais pas trop quoi, puis il avait écrit ça, puis j'ai dit « Ah, j'ai lu le livre, hein, puis je m'aligne pour aller voir le film. Ah, tu devrais lire le livre après, pas avant. » C'est comme « Ouais, mais ça me tente de faire ça, laissez-moi faire, ouais. Ça me tente, c'est pas fait. Je sais que je me tire dans le pied, mais c'est... » En même temps, le scénariste, comme Henri-Georges Clouzot, il l'a lu le livre aussi, tu sais, puis il y a plein de gens qui ont vu Les Diaboliques en 55, puis qui l'avaient lu probablement une couple d'années avant, parce que c'est sorti, quoi, 4-5 ans avant le livre, puis qui l'ont lu, puis qui ont apprécié le film aussi, ils disent, c'est possible, tu sais. Puis j'essaie de m'en détacher, j'avoue que c'est dur, mais j'essaie de m'en détacher un peu. En voyant le film, je suis comme, OK, c'est d'autres choses, tu sais, c'est pas ce que j'ai vu dans ma tête, c'est d'autres choses, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite déception de dire, ah, mais c'est pas ce que j'ai vu dans ma tête. C'est pas. Ah, mais ça sera jamais comme tu as vu dans ta tête. Je pense que n'importe quelle adaptation d'un livre, ça peut jamais. Ben non. Ça peut pas à côté, mais faut. Ah, la seule fois que c'est arrivé dans ma vie, c'est La Ligne Verte de Frank Darabont. J'étais comme, c'est pareil, c'est exactement ça que je voyais. En tout cas, je l'avais lu avant, puis j'étais comme, mais c'est exactement ça. En tout cas, okay. C'était vraiment fidèle. Mais non, j'en parlerai tantôt dans les spoilers. Il y a vraiment beaucoup de différences. Là. Mais on n'a pas parlé de... l'élément qui a, pour moi, relevé le film, parce que puis c'est ridicule un peu, là, c'est pas dans le roman, puis je trouvais ça vraiment rafraîchissant dans le livre, c'est l'inspecteur. Oui. Moi, étant un grand fan de Columbo, je viens de voir dans ce film-là probablement l'inspiration de Columbo. Puis devine ce que j'ai vu tantôt sur Wikipédia. C'est marqué, ok, ça a été mentionné. C'est marqué, le commissaire Fichet, joué par Jean-Charles Vanel, a souvent été mentionné comme probable inspiration pour le personnage de Columbo, créé pour la télévision et le théâtre au début des années 60, puis définitivement incarné par Peter Falk au tournant des années 70. c'est pareil, c'est Columbo. Il y a le cigare, oh ouais, non, c'est pareil. Puis le petit la côté, façon de jouer, la manière d'être ambigu sans accuser quelqu'un, mais tu sais, moi non, c'est baveux, là, puis tout, ah, puis d'avoir l'air tout croche, puis d'avoir ses petits papiers, puis j'étais comme, mais c'est lui, c'est Columbo. Je capotais, puis j'étais comme, c'est donc bien cool. Puis ouais. ça fait comme un épisode de Columbo parce qu'on sait c'est qui les coupables, tu sais, au début, tu sais. Ouais. Tu sais, ça agit exactement comme un épisode de Columbo, tu sais. Mais en tout cas, moi, je trouvais ça le fun en tant que gros fan parce que j'ai vu des dizaines et des dizaines d'épisodes de Columbo, là, mais... Mais c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que le personnage est quand même là, mais à un moment donné, il disparaît un peu. Mais c'est correct parce que, sans rentrer dans les spoilers, mais il revient à un moment donné. Ouais, non, c'est... Puis son retour est le fun, je trouvais, tu sais. Bon, on peut le voir le fun ou pas, mais je trouvais ça correct. Écoute, je pense que c'est rendu un peu difficile de parler du film sans pouvoir aller plus profondément dans les scènes ou l'intrigue, là. Fait que ben on va aller avec nos recommandations, genre de location et tout ça, là. Puis, on l'a-tu dit tantôt si on voulait parler d'autres films semblables? On ne s'est pas préparé avant l'épisode pour les recommandations, puis j'en ai aucune. Fait que faudrait que je cherche à la va-vite, puis je nommerais un titre n'importe quoi. Fait que honnêtement, j'ai rien en ce moment. Moi non plus. Mais allons-y avec nos recommandations vite de même, puis après ça, on va faire une section spoiler qu'on va mettre à la fin de l'épisode, après la conclusion, puis tout. Ouais. Comme on fait des fois. Moi, je recommande un Criterion, facilement. L'achat? Ouais, l'achat. Dans le fond, acheter le Criterion, pour moi, c'est... c'est un des grands classiques du... Je peux pas dire du cinéma d'horreur, parce qu'on est vraiment plus dans un thriller suspense avec un petit soupçon d'horreur pour quelques scènes, mais j'ai de la misère, tu sais, je pourrais pas te clarifier de film d'horreur totalement, mais en termes de meurtre et mystère et de suspense, c'est vraiment un must, là. J'ai vraiment pas été déçu. Le jeu des actrices est incroyable. La réalisation de Clouseau est vraiment solide également. Belle photographie. Il y a des jeux d'ombre, de lumière que j'ai vraiment adoré dans le film. Puis j'ai été... Tu sais, le film dure 2 heures. Puis je l'ai écouté vraiment tard, là. Puis j'ai pas bronché des yeux. Je suis resté crocheté tout le long du film. T'sais, tandis que le Vincent Price, ça m'a pris 3 fois, pour être honnête. Puis c'est pas que le film est plate. C'est vraiment juste que je l'écoutais vraiment tard, j'avais de la misère à le finir, mais les diaboliques, là, c'est un autre level. Là. Ça, je suis resté incrusté tout le long du film. Fait que pour moi, c'est vraiment un must. Là. Ben, tu vois, moi, j'ai. Sur ce point-là, moi, j'ai fermé les yeux un petit peu. Je me suis pas endormi durant le film, j'ai réussi à l'écouter, mais j'ai fermé les yeux un petit peu des fois, puis il a fallu que je recule un peu. Mais cette semaine, j'étais très fatigué. Là, j'étais très occupé et très fatigué. Puis c'est peut-être ça aussi, tu sais, des fois, on regarde des films, puis on file plus ou moins, puis ça nous affecte, on fait des épisodes, on arrive, on fait « Ah, j'ai pas aimé 2 films, parce que cette semaine, je filais pas, puis finalement, j'étais pas dans le mood pour ces films-là, tu sais. » Mais tu sais, mais ça, c'est cool, en plus, tu repenses, c'est un film de 1955, mais tu sais, de voir justement les hommes sont pas tous présentés comme des véritables trous de cul, comme Paul Maurice, là, on s'entend, là, ça c'est l'extrême, là, mais c'est de voir ce gars-là vraiment pour que le public de l'époque l'haïsse, puis de voir 2 femmes qui veulent se rebeller contre ça, puis qui vont s'unir, puis tu sais, que ce sont vraiment des femmes fortes dans les années 1955 au cinéma, je trouve ça vraiment nice, là, fait que je trouvais que ça... Non, c'est une bonne affaire, ça. Mais c'est ça, moi, ça serait... Ben, tu sais, j'ai recommandé une location pour Pit and the Pendulum, fait que ça serait au moins ça. Mais, tu sais, moi, je l'ai emprunté à ma bibliothèque, je le monte à caméra pour les Patreon, mais je l'ai emprunté à ma bibliothèque, le Criterion en DVD. Fait que si vous le trouvez comme ça, c'est bien. Sinon, ben, achetez-le. Je pense que, même si j'ai pas trippé autant que Steven, je pense que ça reste un classique du cinéma de suspense, comme tu as dit. Puis oui, c'est l'inspiration, en gros, de Psycho, puis de... du style de Hitchcock des années, fin des années 50-60, tu sais. Puis, ben d'ailleurs, les 2 auteurs ont écrit sur Froid pour Psycho tout de suite après. Ils lui ont demandé « Pouvez-vous m'écrire un scénario ou quelque chose? » Puis il a écrit Vertigo, tu sais. Ils ont écrit, ouais, c'est vrai. Ils ont écrit le roman qui a fait le film. Fait que... Mais c'est... je me mélange, je pense, là, mais il était pas supposé avoir une suite, soit que c'était Les Diaboliques ou Le Salaire de la peur. Clouseau voulait faire, puis il est décédé. Puis ça s'est pas terminé. Un film. Faudrait que je me renseigne plus, mais il me semble qu'il est arrivé de quoi. Qu'un de ses derniers films, je pense que c'était une suite ou un genre de retour avec ses acteurs, puis finalement ça s'est pas fait. Là. Je serais curieux de savoir là, s'il y a des connaisseurs de plus approfondis. Que ni l'un ni l'autre, t'as pas vu Le Salaire de peur, moi je l'ai vu, mais il me semble que ni l'un ni l'autre fit. Il me semble qu'il peut pas avoir de suite à ni l'un ni l'autre. Okay, je pense que c'est peut-être plus de reprendre les acteurs, peut-être. Je me fie aux histoires, là, tu vois, les acteurs, okay. Peut-être. Mais sa femme est morte, Vera qui est dans Les Diaboliques, elle est morte genre 5 ans après le film, là, d'une crise cardiaque. Fait que c'est peut-être ça, peut-être par rapport à ça. Mais, un achat, je pense que ça vaudrait la peine. C'est sûr que Criterion, c'est tout le temps trop cher, là, pour ben, ça vaut la peine, j'allais dire pour rien, c'est pas vrai, là, ça vaut la peine. Moi, en fait, j'ai été chanceux, j'ai acheté un autre film à un ami, puis ça m'a coûté comme 100$, mais tu sais, là-dedans, j'avais déjà 3 Criterion Blu-ray, incluant celui-là, fait que tu sais, je rentrais déjà dans mon argent ouais, avec ça. Ça vaut sûrement un achat, ça vaut un achat, c'est comme film. Comme on l'a mentionné, il y a un remake également qui a été fait de ce film-là des années 90. Avec Sharon Stone. Oui, avec Sharon Stone. Je ne l'ai pas vu, évidemment. Et le film n'a pas une très bonne réputation. Mais je suis vraiment curieux. Fait que dans les prochains jours, je vais sûrement le visionner. Quoique, j'aurais aimé ça le voir pour l'épisode avant, peut-être glisser un petit mot dessus. Mais j'imagine que ça doit être comme n'importe quel remake qui tente de faire un copier-coller de ça. T'sais, comme le remake de Psycho, même si c'est fait par un grand réalisateur, je suis pas capable de ce remake-là. T'sais, son but était juste de faire un plan pour plan le même film. Là. C'était quasiment un défi technique, mais en tant que film, ça a zéro l'impact du film de Hitchcock. Fait que j'ai l'impression que Les Diaboliques, le remake, n'aurait pas le même impact non plus. Ben, je lis le résumé sur Wikipédia du remake, puis ça me révèle que c'est vraiment un remake du film, puis non pas une nouvelle adaptation du roman, dans le sens où... C'est encore dans une école? Ouais, c'est ça, c'est directeur de collège et tout ça. Je t'expliquerai tantôt dans spoiler un peu, dans la section spoiler, qu'est-ce que c'est le roman. Parfait. Comment c'est différent. Fait qu'allons-y, avec une toune qui a le mot diabolique ou devil dans le titre. On l'a pas encore choisi. Puis on revient tout de suite avec notre conclusion. Puis après la conclusion, enfin, fin d'épisode, il va y avoir une section spoiler pour les deux films. À tout de suite. a woman with a look in her eye. She's dressed on leather and flesh on the mind. Words and weapons sharp on the knives. Makes you wonder how the other half died. A devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Ça passe vite à chaque fois. Ben, ça passe vite, mais c'est pour les gens, pour permettre aux gens d'aller tout de suite écouter les deux films après l'écoute de l'épisode. En effet, en effet. Ben, on a nos Patreons à saluer, ceux qui méritent un shout-out. Encore une fois, j'ai pas la liste devant moi, c'est Sébastien qui a la liste, puis j'oublie tout le temps d'y demander. On va dire que c'est Véro puis Pascal, juste pour le fun, parce qu'ils étaient là à soir, fait que moi j'ai envie de leur donner un shout-out à Véro puis Pascal, ils nous regardaient. Yeah. Surtout Véro qui nous a regardé tout le long, Pascal il est venu quelques instants, Pascal Cyr, mais ça valait, sa présence vaut de l'or, fait que Véro puis Pascal, shout-out à vous deux, merci d'être là. Shout-out à tous les autres également. Shout-out à tout le monde en fait. Shout-out à tous nos abonnés. Sur la page Facebook. Shout-out à tous ceux qui nous écoutent. Pas besoin de nous. Pas besoin de payer c'est pour, tout, pour les shout-out. Vous êtes tous inclus là-dedans. Shout-out à Vincent Price. Shout-out à Roger Corman. Puis à Henri-Georges Clouzot. Puis à Simone Signoret. Ben oui. Ben oui. Shout-out aussi à la salle de bain dans les Diaboliques. Shout-out aux lutteurs de WrestleMania à soir qui se battent. Shout-out à John Cena qui a fait une comédie qui est en train de cartonner au box-office avec des bonnes critiques. Ok, là on commence à sortir n'importe où. Fait que prochain épisode, on sait pas encore ça va être la shameless de qui, mais ça va être la shameless soit de toi, soit de moi ou de Vicky. Parce mm-hmm. que Sébastien est perdu dans la brume. On va le retrouver un moment donné, là, mais. Sébastien, sort de la brume, fallait pas y aller. Sébastien! Sébastien! Oh, je devrais mettre une quote de Pit and the Pendulum. Là. Sébastien! Sébastien! On va l'appeler comme ça, c'est ça. Sébastien! Ouais. C'est plus cool, c'est plus glorieux. Véro a dit par rapport au film de John Cena, a dit « Arrête, j'ai vraiment hâte de la voir, cette comédie-là. » Ouais, ben, ça me tente, ça a l'air drôle. Sinon, ben c'est ça. En gros, je pense qu'il n'y a rien d'autre à annoncer. Je pense que non, tout est fait. Fait que ne manquez pas dans quelques instants notre section spoiler pour ceux qui veulent absolument se faire spoiler les deux films. Sinon, allez les voir. J'ai peut-être pas trippé autant que Steven, mais ça vaut la peine d'être vu. Là-dessus, on se reparle d'ici une couple de semaines. Fait que, gardez ça horreur. À la prochaine. section spoiler, spoiler, spoiler. Alerte, alerte. Section spoiler. Ok, c'est ici qu'on vous révèle tous les secrets des deux films. Ou plutôt qu'on se laisse aller. Ouais, visiblement, tu voyais, j'ai bu du vin et de la bière, j'ai mélangé ce soir, fait que je suis petite nature, fait que là, je suis déjà... je bafouille, puis je ris, puis rien. T'es plus à l'aise. Ouais. Fait que... En gros, dans le pit de pendulum, le méchant, c'est le propriétaire de la fête foraine. Non, je pense à des Scooby-Doo, il avait tout à... Il enlevait le masque, puis c'est le propriétaire de la fête foraine, tu sais. C'est pas Vincent Price, le personnage de Nicolas, il est mort. Dans le fond, c'était un gars avec un masque de Vincent Price, là. C'est ça. C'est un clown, c'est Captain Spaulding. Ils font une suite à Devil's Reject. Ouais, ouais. Hey, là, tu sors complètement de sujet. Là. Ok, gars, laisse-moi prendre le flambeau. En fait, au moment que le personnage de Nicolas arrive au château, il y a un petit côté au Vincent Price qui semble suspect. Fait que tu commences à te dire que la sœur de Nicolas a peut-être disparu à cause de lui, qui l'a tué, puis qu'on se doute de ça. Mais plus le film avance, plus on a des soupçons qu'il y aurait peut-être un esprit qui parcourt un peu le château. Fait que là, vous commencez à douter. Puis là, on commence à voir Vincent Price qui devient de plus en plus paranoïaque, qui tombe dans la folie à se demander qu'est-ce qui était réellement arrivé à sa femme. Et plus le film avance, finalement, à la fin, on va découvrir que la fameuse Elisabeth n'est pas décédée, mais en fait, elle a fait un gros plan pour faire mourir... Pardon? Avec le docteur. Avec le docteur, qui est amoureuse. Un gros plan pour se débarrasser du personnage de Vincent Price pour finalement avoir tout ce que le gars possède et pouvoir vivre une belle romance. En lui faisant faire une... Je sais pas si c'est voulu, la crise, mourir de peur. Je pense que c'était ça. C'est quand même drôle que dans Les Diaboliques, c'est la même chose, oui. Qu'ils essayent vraiment de la tuer par la peur extrême, parce qu'on apprend dès le départ, tu sais, que dans Les Diaboliques, elle a un problème de cœur, fait qu'elle est très fragile. Mais tu sais, dans celui-là, on n'a rien vraiment qui laisse croire que, mettons, Vincent Price puisse mourir de peur, mais tu sais, il pousse tellement à la folie que... Je pense possible. Que c'est basé un peu sur son traumatisme d'enfance, si on dit Diaboliques. Ben déjà, fragile, ouais. T'sais. Parce que ça, on ne l'a pas mentionné, mais son traumatisme d'enfance, c'est que Vincent Price, très jeune à 10 ans, il a vu son père torturer sa mère dans une salle de torture, qui a été infidèle. Puis c'est un peu ça qui se promène aussi dans sa famille, l'infidélité. À un moment donné, t'as sa femme qui explique que son frère aussi a été infidèle, son oncle, ou je sais plus trop, a nommé quasiment toute sa famille, ils ont tous été infidèles. Qu'est-ce qui est ironique, c'est que sa femme à lui couchait avec son frère à lui, tu sais. C'est ça. Puis là, c'est ça qu'elle dit. Qu'est-ce qui est ironique, c'est que c'est pas toi qui étais fidèle, mais moi. Tu sais, elle raconte tout ça pendant qu'il est mort. Et là, double twist, il est pas mort, il cligne des yeux, puis il commence à faire un rire diabolique comme si c'était une mise en scène. Mais... J'avais pas l'impression que t'es mort. Quand il dit, quand le docteur dit, il est parti, c'est juste qu'il est plus là, là, t'sais, genre légumes, là, t'sais, il est plus. Ben, je sais pas, j'avais l'impression qu'il prenait son pouls, puis il le regardait, puis il clignait jamais des yeux. Ah, peut-être. J'ai peut-être manqué ce bout-là, ouais. Puis même quand elle dit quelque chose, elle raconte toute l'histoire, puis là, t'as l'expression du visage de Vincent Price qui fait un sourire. Oui. La fille est complètement surprise, comme, hey, il est pas supposé être de même. Mais non, t'as peut-être raison, c'est vrai, mais encore là, je pense qu'après ce moment-là, tu l'as un peu ton Vincent Price que tu oui. voulais. Oui, là, il devient fun, il vient plus machiavélique, là, il vient plus... Ouais. C'est pour ça que je trouve que ce que tu reprochais semble vraiment fitter avec le personnage. T'sais, peut-être que oui, Vincent le surjoue beaucoup, mais j'ai vraiment l'impression que ça c'était vraiment le personnage qui était pratiquement même. Parce que moi aussi, j'étais habitué de voir Vincent Price plus comme la première scène qu'on le voit, puis la dernière quand il devient plus diabolique. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas tant un gros twist, mais moi, je l'ai trouvé agréable. En fait, le dernier plan que j'ai vraiment aimé du film, moi, c'est sa femme, justement, qui est enfermée dans un des tombeaux avec des pics comme une momie, mais que l'autre personnage, aucun autre personnage savent qu'Elisabeth est encore en vie. Fait que, d'abord, elle est juste pognée là-dedans, puis les personnages disent, justement, on va jamais revenir ici, il y a personne qui va revenir dans la fameuse chambre des tortures, fait qu'elle est juste pognée à se vider de son sang, j'imagine. Les pics doivent l'avoir un peu... Mais tu sais, tantôt je le regardais un petit peu ce bout-là avant l'épisode, puis ça me frustrait parce que il l'enferme là-dedans dans la Iron Maiden, tu sais, puis elle crie pas, elle fait rien, tu sais, il y a quand même des trous pour les yeux, fait qu'on si elle crierait, on l'entendrait, tu sais. Puis là, il se bat avec le docteur, puis je pense que plus tard, il se bat avec, avec l'autre aussi, dans la même pièce, tu sais, puis c'est comme, mais elle crie pas, elle a aucun indice de sa présence, là, tu sais. Ben, écoute, je crois que toi non plus, tu risques pas de crier avec une centaine de pics à travers ton corps, là. Je sais J'imagine pas. Que... Non, mais c'est une hypothèse, on peut pas savoir ce que ça fait, mais je crois que, tu sais, le nombre de pics que tu peux voir à l'intérieur du coffre, j'imagine que ça te coupe le souffle ou t'as plus de force ou je sais pas, la douleur est tellement intense. J'ai aucune idée, mais je sais pas, moi, c'est pas un aspect qui me dérangeait forcément, là. Mais... On l'a pas noté, mais c'est la même actrice que dans Black Sunday qui se fait mettre un masque au début du film, là. C'est la même... Ok, c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose. Elle est destinée à mourir, torturée, brûlée vive dans les coffres de pique. C'est ça. Mais... Pauvre elle. Puis c'est ça qui est intéressant avec les diaboliques. Pour ce que je pense, les diaboliques ont quand même plus de contenu à discuter que l'autre, que c'est Vincent qui finalement. Mais à la fin, Vincent, c'est juste qu'il devient fou totalement. Il a perdu la carte. Il se prend pour son père, vraiment. C'est pour ça que je te disais que. Tu sais, il y a un petit côté psychologique du personnage traumatiste. C'est de quoi d'intéressant. Tu sais, que oui, ça aurait pu être plus développé, mais tu sais, je trouvais que ça rajoutait une petite couche au film. Tandis que là, dans les diaboliques, les personnages ont beaucoup plus de profondeur. Puis justement, le personnage de Christina, tu sais, qu'elle a... Cette fille-là est tellement soumise à ce gars-là. Elle est tellement soumise après n'importe qui. Tu sais, même la... Même c'est elle qui l'aide à faire tout le coup, tout le long, tu sais, tu te rends compte que c'est elle qui tient les rênes, elle donne des ordres, puis elle l'oblige quasiment. Puis tu sais, elle manipule, tu sais, à un moment donné, elle veut plus le faire. Puis là, l'autre, elle est comme, bah, je pensais que t'en étais capable, mais qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi je t'ai laissé embarquer finalement, dire oui si t'es trop faible pour agir. Mais, c'est ça, pour revenir sur la fin des diaboliques, pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont réussi, évidemment, à tuer le mari. Tout au long du film, ils essaient de cacher le cadavre. Ils vont le cacher dans une piscine à l'école. Et une bonne journée, ils vont finalement vider la piscine, mais le cadavre sera plus là. Il a disparu. Fait que tout au long du film, on n'est plus trop sûr de est-ce que c'est un coup monté puis que le personnage de Michel est encore en vie ou c'est peut-être dans la tête de Christina qui devient de plus en plus folle. Avant le meurtre, elle avait des remords. Là, elle était comme... Déjà, oui. T'sais, déjà, elle sentait plus ce plan-là, pas en tout. Fait que, quand le corps devient introuvable, c'est comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Puis elle capote. Là, t'sais. Elle capote, mais tu sais, c'est ça que j'ai vraiment trouvé ça intéressant dans la scène. T'sais, malgré sa conscience et sa volonté de ne pas vouloir aller jusqu'au bout. Tu sais, même à un moment donné, elle se dit « Ok, c'est prête, on va le faire. On va mettre le truc dans l'alcool, tout ça. » Puis il y a un moment où que le gars, Michel, devient gentil avec elle durant la chambre d'hôtel. Puis à partir de quand elle va faire une petite erreur stupide, mais une erreur, tu sais, qu'elle veut lui sauver la vie. C'est comme elle veut l'empêcher de boire, mais lui, il va gifler. Puis là, il redevient lui naturellement parce que là, il jouait la carte parce qu'il ne voulait pas qu'elle le laisse. Là. Puis là, tout d'un coup, on dirait que c'est une Christina forte qu'on ne reverra plus probablement du film. Tu sais, pendant un court restant, elle a comme son truc de ce gars-là, puis elle décide d'y aller à fond. Puis c'est ça, à la fin du film, finalement, il y a une espèce d'inconnu qui se promène dans l'école, puis elle est certaine que c'est peut-être le fantôme de Michel qui se promène, puis qui est venu se venger. Puis quand elle rentre dans une fameuse pièce d'une salle de bain, la séquence est identique à la chambre d'hôtel quand ils l'ont assassiné. Puis là, tu vois Michel qui sort du bain avec les yeux blancs qui sont retournés sur eux-mêmes, qui se lève debout. Puis elle est tellement, elle est déjà tellement au maximum du stress qu'elle meurt automatiquement d'une crise cardiaque. Après ça, tu vois par la suite qu'elle enlève ses faux yeux puis que c'est un coup monté avec, avec sa maîtresse qu'il avait, qui ont fait ça pour la tuer, pour qu'il hérite de l'école, de toute sa richesse, puis qu'il puisse finalement partir en amoureux. Et c'est drôle. Tu sais, c'est le genre de twist. Tu sais, pas, c'est un film qui a sans doute influencé beaucoup le cinéma, puis on a eu combien de films de trahison, puis d'amants qui vont faire un plan pour tuer la personne. Mais la manière que le twist est amené, j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que oui, à un moment donné, j'ai eu un doute que peut-être que Michel était en vie puis qu'il était de mèche avec Nicole. Mais le fait que la scène soit dévoilée à travers la salle de bain puis que tu penses que peut-être que Christina est folle, j'ai trouvé ça brillant parce que sur le coup, j'étais confus. J'étais comme, OK, c'est peut-être vraiment juste une descente que la fille est plus là. Mais la scène est digne d'un film d'horreur et est vraiment efficace. Sa manière qui est arrangée, ça marche. Il est terrifiant. Les yeux, tout, c'est vraiment réussi, là. Tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est un gars qui a passé trop longtemps dans le bain, là. Tu sais, quand il enlève le cadavre à un moment donné, là, oui. c'est fou. Ouais, ça fait, mais ça là, fait un peu zombie. Là. Ça fait, oui. Mais l'aspect que j'ai trouvé intéressant, c'est que par la suite, après, t'as les deux amants qui sont en train de raconter leur plan parce que tout va bien. Puis là, t'as le fameux Columbo préféré à Jean-François qui sort de l'ombre. C'est comme. Ah, ben vous avez peut-être passé plusieurs années dans les barreaux. Puis tu sais, ça finit quasiment sur une petite musique loufoque. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après. T'as un des enfants, puisque l'école est en train de fermer, puisqu'évidemment, avec tout ce qui s'est passé, les enfants vont devoir s'en aller. Puis il y a un des jeunes garçons qui dit qu'il a vu Miss Christina lui remettre le slingshot, je crois, puis lui dire que tout va bien aller, puis ces choses-là. Puis c'est là que j'ai commencé à douter si Christina était peut-être pas de mèche, un peu avec l'inspecteur Columbo, un genre de plan pour essayer de les faire avouer leur meurtre, parce que l'inspecteur Columbo avait l'air d'en savoir plus. T'sais, il ne mentionne pas, mais tu voyais qu'il avait l'air d'avoir découvert des choses. Tu as comme un doute à savoir est-ce qu'elle est réellement morte ou finalement elle n'est pas morte, puis c'était un plan avec le Columbo pour dénicher. Moi, mon doute, c'était plus surnaturel. Je me disais, ah, c'est peut-être revenu en fantôme. Là. Elle a apparu au petit étudiant, je ne sais pas. Hein. Aussi. Ah, c'est drôle. J'étais sûr que toi aussi, tu avais peut-être pensé que c'était peut-être un corps de plan. Non? Non. Parce que, tu sais, le fait que le Columbo sort de nowhere, je trouvais ça un peu bizarre sur le coup, mais c'est après qu'elle vient raconter ça, j'étais là, OK, d'un coup, justement, il attendait là parce qu'il avait un peu préparé leur setting, je sais pas. Non, c'est vrai, ça fait du sens. Mais, tu sais, c'est ambigu, fait que moi, ça me plaît. C'est pas clair à la fin, puis j'aime toujours ça, des finales un peu la porte ouverte. Puis, tu sais, je me demandais, c'est-tu le genre de film que ça va être moins efficace au deuxième visionnage en sachant le twist? Puis, je sais pas. J'ai vu une couple de personnes qui ont revu le film plusieurs années plus tard, que ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas vu, puis ils disaient qu'ils avaient oublié à quel point c'était bon, puis que le suspense était autant réussi, puis que la finale ferait pas autant. Fait que j'ai le feeling que le film doit paraître avoir une bonne valeur de réécoute, peut-être justement avec les autres éléments plus psychologiques de Christina, puis sa descente, puis son rapport justement avec son mari, complètement dégueulasse. Là. Il est juste dégueulasse, ce gars-là. Là. Ben là, ça fait deux fois que tu le regardes derrière moi, le film. Fait qu'il joue ouais, non. Boucle. mais je vais parler du roman un peu. Dans le livre, là, premièrement, c'est. La situation est. Comment je dirais. J'allais dire c'est inversé, mais c'est pas tout à fait ça. Le personnage principal, c'est un homme qui s'appelle Fernand Ravinel. C'est un vendeur itinérant. Il vend de l'équipement de pêche. Puis c'est lui et sa maîtresse qui vont. Planifier le meurtre de sa femme parce qu'ils veulent toucher l'assurance pour partir dans le sud après ça. Fait que là, ça se passe comme dans le film, ils vont la même chose, ils vont pas saouler sa femme, donner un verre empoisonné à sa femme, tu sais, pour qu'elle s'endorme, tout ça. Après ça, ils vont la mettre dans le bain, tout ça. Puis ils vont aller porter le corps quelque part en se disant, ben le corps, il est supposé être retrouvé le lendemain par telle personne qui va passer là. Mais finalement, le corps, il n'est pas là. Le corps est disparu. Donc là, lui, il capote bien. Tout le long du livre, il capote. On est dans sa tête. Là, c'est comme, mais étais-tu vraiment morte? Étais-tu pas morte? Mais moi, je suis sûr que t'es morte. Puis là, les gens qu'il va rencontrer, tout ça. Puis il y a une couple de personnes qui vont dire, bon, on l'a vu ce matin. Elle est venue porter une lettre à la poste. Puis en tout cas, des trucs comme ça. Puis là, il capote bien. Mais ouais, elle était morte. Puis... Mais c'est ça tout le long du livre. La situation est inverse parce que là, c'est l'homme qui a tué sa femme. Puis il parle avec sa maîtresse, ben oui, mais on l'a tué, puis attends un peu, je vais aller te rejoindre, elle est à l'autre bout du... dans une autre ville, puis elle travaille, elle là, puis ok, je vais aller te rejoindre, puis tout, puis on va en jaser, puis tout. Puis c'est ça, lui, il va... C'est une descente aux enfers tout le long, puis à la fin, ben on va découvrir que c'est les deux femmes ensemble qui travaillaient pour le rendre fou, lui, puis évidemment, éventuellement le faire... le pousser au suicide, parce qu'il va se suicider à la fin, fait que... Quand, okay. Quand il va penser que sa femme en fantôme revient, parce que lui il croit au surnaturel aussi, fait qu'il est convaincu que sa femme revient en fantôme. Donc, il est sûr qu'il l'a tué. Il est convaincu de l'avoir tué. Puis, ben, il est sûr que tout ce que les gens ont vu durant les journées qui ont suivi, ben, c'est un fantôme. Fait que là, il est sûr. Quand il est chez eux à la fin, c'est pas exactement comme dans le film, mais à la fin, il est chez eux. Là, il l'entend, il est dans sa chambre à lui, là, puis il l'entend arriver en bas, elle ouvre la porte d'entrée, elle enlève son manteau, ses chaussures, puis il l'entend monter, il marche, puis il va se suicider, il va se tirer une balle, je me souviens bien, puis il est convaincu que c'est un fantôme qui s'en vient. Fait que les deux femmes s'en vont dans le sud, puis ils profitent de l'argent, puis c'est sous-entendu, mais elles sont amoureuses, les deux femmes, t'sais, comme une relation lesbienne à la fin du livre. T'sais. OK. Ça, c'est pas dans le film non plus. Mais c'est ça, t'sais, ils ont pris... Henri-Georges Clouzot a pris cette histoire-là, puis il a reviré ça pour que ce soit les femmes qui sont... qui soient les tueuses. C'est intéressant quand tu parlais tantôt que c'est quasiment féministe dans un sens, là, t'sais, ouais. Mais c'est ça, t'sais, il a reviré ça de bord, je trouve ça intéressant. J'aurais aimé ça voir une adaptation fidèle, j'aurais aimé ça voir ce que moi j'ai vu dans ma tête puis tout ça, mais c'est correct, ça existe en livre puis je l'ai lu puis je suis bien content là. C'est comme avoir deux œuvres qui racontent sensiblement la même histoire puis qui sont quand même assez différentes puis je peux en profiter quand même des deux là, tu sais, mais je crois que c'est comme je suis pas le mieux placé pour parler d'adaptation de livre puis la fidélité, mais je crois que c'est quand même cool quand tu vois un réalisateur qui va prendre une histoire qu'il adore d'un livre, qui va vouloir l'adapter puis quand même garder l'essence du livre puis apporter des modifications qui peuvent paraître intéressantes puis peut-être apporter un plus sans toutefois enlever ce qui fait la richesse. Puis la manière que t'en parles, j'ai l'impression que Les Diaboliques, le film, semble pas perdre de la richesse que t'as trouvée avec le livre. Là. Ben c'est ça, c'est une œuvre différente. Puis tu sais, on passe beaucoup de temps dans sa tête. Tu disais, oui, on passe beaucoup de temps avec Christina, mais on est vraiment dans son dialogue intérieur à lui, tu sais. C'est son raisonnement, tout ça, tu sais, c'est ça un livre, dans le fond, tu... Mais c'est parce que c'est plus facile en livre, mais, ouais. Tu sais, exemple, il aurait décidé de... Je pense que c'est peut-être ça qui réfléchit, mais il aurait décidé de faire ça avec le personnage de Christina, puis mettre une voix off dans sa tête, ça gosserait, tandis que là, la mise en scène, puis le jeu de l'actrice parle déjà pour ça, tu sais, on n'a pas besoin de mots, tu sais, on catch un peu tout ça, fait que je trouve déjà là, c'est peut-être prendre le public moins pour des caves déjà à l'époque, là. Oh, oui, c'est ça, non, mais... Dans le fond, j'étais déçu pour rien parce que oui, comme toi, j'apprécie quand même l'audace puis la créativité dans Georges Clouzot dans son scénario. Je trouve ça qui a amené ça ailleurs. Puis je vais lire un petit quelque chose tantôt. Ben, je pourrais le lire tout de suite. Dans le fond, c'est pas si long que ça. Oh oui, vas-y. Au pire, ça vous intéresse pas à l'épicer, là, mais non, mais les deux auteurs, c'est je me rappelle pas de leur prénom, mais Boileau et Narcejac, qui ont écrit. Ça, l'édition que j'ai ici dans mes mains, c'est sorti après le film, parce que il y a les deux titres dessus. Le titre du roman original, c'est « Celle qui n'était plus », parce que c'est une femme qui meurt. Puis, il y a les Diaboliques aussi sur la couverture, parce que c'est sorti après le film. OK. Cette édition-là. Puis, les deux auteurs ont écrit une préface pour parler du film, pour parler de leur admiration pour Henri-Georges Clouzot. Ils ont adoré l'adaptation, dans le fond? Dans le fond, c'est ça. Je vais le lire, puis c'est très français, là, mais je vais le lire, puis c'est pas si long que ça, ces deux pages. Ça dit, « Entre celle qui n'était plus et le film que ce roman a inspiré Henri-Georges Clouzot, Les Diaboliques, il n'y a qu'un lien, si mince qu'on pourrait croire le film étranger au livre, si solide qu'on est pourtant obligé de reconnaître leur profonde parenté. C'est qu'en vérité, ils développent exactement la même idée, avec des moyens différents, et l'on peut aller jusqu'à dire que plus le film s'efforcerait de rester fidèle au livre, plus il était contraint de s'en éloigner. En ce sens, le film de Clouzot est beaucoup moins une adaptation qu'une recréation dont il convient de souligner l'originalité. Les auteurs du livre ont imaginé un roman policier classique, mais au lieu de partir du crime, ils sont partis de la machination qui conduit au crime. Le récit est entièrement écrit du point de vue de la victime, ce qui est la condition même du suspense. L'angoisse naît de la solitude hantée d'un être depuis longtemps condamné. Et c'est précisément cette solitude que le roman cherche à rendre sensible. Par une technique complexe dans ses effets, mais simple par nature, puisqu'elle n'utilise que des mots. Le metteur en scène, lui, travaille sur des images, et l'image est beaucoup plus rebelle que le mot. Plus de monologue intérieur, plus de clair-obscur psychologique. L'image, c'est le monde réel, celui des choses et celui des visages. Clouzot ne pouvait pas isoler le personnage clé, et pourtant il devait rendre sensible son drame. Il lui fallait donc inventer une histoire telle que les images, à leur tour, fussent capables de mentir sans perdre ce caractère de vérité, ce qui est l'essence du cinéma. Dans Le Corbeau, le réel était énigmatique. Dans Le Salaire de la peur, il était profondément rongé par la menace d'une catastrophe imminente. Ici, il devient un masque. Clouzot, grâce à une intrigue remarquablement agencée, atteint à cette perfidie de l'image qui réunit d'une manière torturante le réalisme à l'expressionnisme. Par là, il fait éclater les poncifs du film policier et affirme de la manière la plus indépendante ses dons extraordinaires de sorcier. Mais l'ambiguïté du film correspond à celle du roman. Dans Celle qui n'était plus, Le monde est aussi un masque, et le mensonge corrompt invisiblement jusqu'aux aspects les plus familiers de la vie. Le héros du livre est un homme à qui on a jeté un sort, et qui est peu à peu écrasé par des apparences qu'il ne comprend plus. Les auteurs ont voulu, dans la mesure de leurs moyens, qui est modeste, se débarrasser des lieux communs du roman policier. Ainsi donc, il est vrai que Clouseau s'est délibérément dégagé de notre roman. Il a pris son bien où il le trouvait, comme tous les grands créateurs. Mais il est également vrai qu'il ne nous a pas trahis, car ce que nous tentions d'apporter de neuf, c'est exactement cela qu'il a développé, approfondi, illustré, avec cette force, ce punch qui caractérise sa manière. Et c'est parce que nous avons un juste sentiment de ce que nous lui devons que nous avons voulu, en tête de ce livre, rendre hommage au réalisateur des Diaboliques. Merci, M. Clouseau. Méchante belle lettre d'amour pour Clouseau, hein? Il devait capoter en disant ça. C'est clair. Je pense pas que Stephen King avait écrit ça pour The Shining à Kubrick. Non, c'est ça. Ben, tu vois, c'est ça. C'est quelqu'un qui apprécie le travail du réalisateur. Puis le fait que le cinéma est quelque chose de différent. Je l'apprécie aussi. J'ai moins trippé que toi sur le film, mais il va falloir que je pense que ça va valoir la peine que je le revoie quand même. Mais non, c'est ça. C'est une adaptation intéressante pour ça. C'est créatif. Henri-Georges Clouseau a fait un film. Il n'a pas fait un roman filmé. Il a fait un film. Ouais. Mais ça peut marcher aussi des fois, comme je te disais tantôt, La ligne verte de Frank Darabont. C'est quasiment mot pour mot comme le roman, mais ça marche. Frank Darabont, il était bon pour ça. Il est bon pour ça. Il est encore vivant. Ouais, mais Frank Darabont, il est né pour adapter les livres de Stephen King de toute façon. Oui. Mais non, c'est ça. J'essaie de penser, on est dans la section spoiler. Y a-t-il d'autres affaires des spoilers qu'on n'a pas mentionnées? Non, je pense pas. Pas forcément. Non. Mais c'est deux films intéressants pour ça. Si vous aimez les twists, si le monde aime les twists, ça, on vient les révéler. C'est pas le temps de dire ça, mais je trouve que c'est quand même intéressant comme ces deux films-là pour ça. T'sais. Ouais. Peut-être des films qui ont inspiré M. Night Shyamalan. T'sais. Ouais, ben là, M. Night Shyamalan n'a pas inventé les twists déjà. Fait que... Non, mais il en a fait quasiment une carrière. Ouais, mais ça, j'en discutais avec un ami l'autre jour, puis j'ai l'impression qu'on y a imposé un peu ça après de Sixth Sense, parce que ça a tellement été un des sujets qui a été le plus discuté, son twist, que j'ai l'impression que peut-être les studios, pour ses prochains films, ont dû lui imposer ça un peu. Ouais. Parce que t'as des twists parfois qui semblent forcés, tu sais. Tu sais, de Village, j'ai pas l'impression que c'est un twist qui a été pensé puis réfléchi pour que ça fonctionne. Tu sais, t'en regardes, puis c'est tellement incohérent, ça fonctionne tellement pas que... Je me demande si ça, on n'y a pas imposé d'essayer de trouver un twist, puis il a dû trouver de quoi à la dernière minute, puis ça donnait ça. Là, tu sais. Le pire, j'ai jamais vu le film, mais je me suis fait spoiler par... Je pense que c'est la série Family Guy qui m'a spoilé le film. OK. J'étais comme... C'est vraiment con. Okay. Quand tu le découvres dans le film, c'est vraiment con, parce que ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Fait que... T'es comme, tu comprends pas cette décision-là. C'est pour ça que moi, j'ai comme un doute sur est-ce que Shyamalan voulait vraiment ça ou c'est vraiment juste qu'il s'est enfoncé là-dedans puis il était pogné. Là. Ouais. Je repensais tantôt ce que je disais sur les Diaboliques, puis tu sais, je voyais pas de scène marquante à part peut-être la scène du bain qu'on a revue tantôt derrière moi, mais... La scène du meurtre, là, ouais. La scène du meurtre, mais... Tu sais, ce que j'aime de Hitchcock à l'époque, mais même tout le long de sa carrière, des années 30 aux années 60, 70, il y avait toujours des grosses scènes. Ben moi, ce que j'aimais, c'est ça. Il y avait soit une grosse scène finale sur un monument ou dans une bâtisse, soit sur le Mont Rushmore ou peu importe. Une grosse scène vraiment spectaculaire à la fin de ses films. Tu sais, puis il y avait des inventions au niveau de la caméra souvent. Tu regardes ses films des années 30, déjà à partir de ce moment-là, il est super inventif au niveau de la caméra. Des fois, sa caméra va rentrer à des places qu'elle n'est pas supposée rentrer. Ou des... mm-hmm. C'est ça que je retrouvais pas nécessairement chez Clouseau. Puis, dans Le salaire de la peur, j'avais l'impression qu'il y avait plus ça un peu. Tu peux pas en parler, mais il y avait plus ça un peu des fois dans toi, tu t'attendais à un aspect technique plus de tape à l'œil et peut-être plus révolutionnaire pour l'époque ou de quoi? Ouais, je cherchais dans ses mouvements de caméra, je cherchais dans sa réalisation quelque chose de mais j'ai l'impression que, encore une fois, j'ai pas vu Le salaire de la peur, mais peut-être que dans les Diaboliques, il fait plus dans la subtilité. c'est pas tant des jeux de caméra tape à l'œil d'une caméra qui va passer à travers une fenêtre ou quoi que ce soit, que ça soit plutôt l'utilisation des décors, des jeux de lumière puis des personnages. T'sais, c'est surtout un film d'acteur, mais tu sais, je veux dire, arriver à offrir des scènes de suspense qui tient autant en haleine, tu sais, c'est une job de réalisateur, c'est ton réalisateur qui doit arriver à tenir son public sur le bout de leur siège, tu sais, je veux dire, quand t'étires une scène, tu sais, t'as comme la séquence, là, tu sais, comme justement la séquence finale, là, dans l'école, quand elle voit des ombres, elle décide de marcher jusqu'au couloir, là, elle tombe sur la machine à taper, après elle revient dans le couloir, tu sais, la scène est vraiment longue, mais la manière que Clouzo filme ça, comme un côté surnaturel puis inquiétant dans tout ça. Oublie ça, là, ça tient en haleine, puis à aucun moment tu trouves que c'est trop long que ça s'étire, contrairement à Vincent Price qui descend un escalier pendant 10 minutes puis à dire Elisabeth. Fait que je pense que c'est toute là la différence. Oui, non, t'as raison. C'est peut-être que j'avais des attentes, autant à cause du livre qu'à cause de la comparaison avec Hitchcock, puis j'avais des attentes qui n'étaient pas réalistes. Là. Puis à cause du salaire de la peur aussi. Faudra que je le revoie un jour, le film, avec pas d'attente pantoute, puis en sachant qu'est-ce qui se passe, là. Puis moi, il va falloir que je voie le dessert de la peur, puis en fait, il va falloir que je me fasse un petit marathon Clouzo, là. Ouais, ben c'est ça, il faudrait que je check aussi qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme film, là. Malheureusement, sa carrière est peut-être un peu courte, là, vu qu'il est décédé. Ah, mais je vois que ça a continué jusqu'en 68, de 31 à 68. La prisonnière. Fait que... Miquette et sa mère. Non, mais un beau titre, ça. Eh bien... Ah! Je t'entends plus. Je pense qu'on n'a plus forcément grand-chose à dire, mais que okay, t'avais un point. Non, j'avais rien. Fait que c'était t'avais rien? Fait que, OK. C'est la fin de la section spoiler. Il n'y a pas de fin, ça finit comme ça. Un petit carillon. Bon, Vicky qui dit j'ai aussi vu le salaire de la peur, je l'ai aussi oublié. Là, je mets mes mains sur les hanches, là, je fais une phase de. Oublié dans le sens que. Moi, je le comprends dans le sens qu'elle s'en calisse. Mais c'est parce que là, j'ai bu. Fait que OK, parce qu'elle n'a pas aimé ça de la peur. Non, je sais pas, peut-être pas. OK. Moi, je trouve ça meilleur que Sorcerer. Je suis parti en me sauvant. Ben, écoute, c'est sûr que tu as vu l'original avant, mais. J'ai aucune idée les comparaisons. Je peux pas le dire, mais William Friedkin s'est fait une job de malade avec le remake. C'est, comme je dis, sans pouvoir continuer, mais j'étais sur le bout de mon siège tout le long du film. Puis la scène. Au début, ça servait à rien. T'as une demi-heure qui sert à rien au début. C'est comme, on n'a pas besoin. Ils sont pas là dans l'original. T'as pas besoin de ça. Ouais, mais. La banque, puis tout ça. C'est comme, mais non! Je l'ai vu juste une fois, ça fait un bout, mais. Puis moi, je me rappelle juste la scène du pont quasiment, là. Man, Roy Schneider, là, il est écœurant là-dedans, tu peux pas le suivre dans l'aventure. Ouais. Mais je l'aime plus dans Jazz, je l'aime plus dans All That Jazz. Bon, Vicky a dit ni aimer ni détester, juste oublier. Comme les diaboliques, ça m'a pas marqué. Bon, je suis le seul à avoir autant adoré les diaboliques. Ouais. Peut-être que c'est la bonne opinion. Bon, je pense pas que Seb les a écoutés. Là. Il n'y a pas vraiment eu le temps. Peut-être. Seb, il existe encore, Seb? Sébastien! Sébastien! Sébastien! Mettons fin à la section spoiler là. Là-dessus. Sur Sébastien! C'était pas déjà fini? Non. Je sais pas. Sébastien. Sébastien.